Et voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Je suis avec mon harem féminin. Ouais, donc, vraiment? On reçoit Cathy F. Côté et Google Glob. Côté est en remplacement de Frédéric Bernard aujourd'hui pour Google Globe. Bonjour à toi. Salut, ça va? Ça va très bien, c'est le fun. Enfin, c'est la première participation officielle de Katiev. Oui, oui. Que des fois, tu sais, je sais que Tania a une fois tête en blond de l'air russe. Moi, je trouve que le nom Katiev, Katiev! C'est vrai, ça fait Katiev! Très, très russe. Ouais, les enfants, ils disent comme ça en plus, Katiev, ouais, tout d'un bout. Et voilà, ouais, c'est pour ça. C'est chic. C'est la première fois qu'on me le dit. Ah ben. C'est voilà. Tout nouveau. Superbe. Donc, Cathy F. Côté, tu nous parles évidemment de Google en lui posant une question la plus sérieusement possible. Oui. En fait, j'ai regardé les questions que Frédéric Bernard avait écrites depuis. Tu l'as pas copié, hein? Non, c'est mais ça, non. Je l'ai pas copié. Puis j'ai remarqué qu'il utilisait souvent l'adverbe de question « comment ». C'est vrai. Je me suis dit, moi aussi, je veux poser une question en « comment » pour pas déstabiliser les gens qui apprécient son travail. Alors, j'ai posé... Tu peux prendre une voix plus grave aussi, si tu veux. Ouais, mais là, à tous les jours, j'essaye de prendre la voix de Fred Bernard, puis ça fonctionne pas. Alors... pour trouver la question, c'était avant de faire l'épicerie, donc j'ai regardé la circulaire. Puis je me suis rendu compte que la viande coûtait vraiment, vraiment cher ces temps-ci. Puis là, mon chum m'a dit « Mange ta main, garde l'autre pour demain! » Oui. Comme, tu sais, le vieil adage que nos grands-mères utilisent pour quand dire « Grand-maman, j'ai faim! » Et là, je me suis dit « Ça y est, ma question, ça va être comment devenir comestible? » Quelle bonne question! Ben oui, c'est une bonne idée. Et malheureusement, j'ai pas eu vraiment de... Google n'a pas réussi à répondre particulièrement à ma question. Alors, on se transporte tout de suite au... Fait que tu gâches le punch de la fin qui était « il n'y a pas de réponse à ça ». Ben, c'est ça, mais je pense que avec ceux qui ont été réguliers sur les chroniques de Fred... Le savent. Que c'est bien rare qu'on ait des réponses complètes à nos questions. En fait, le premier lien, je commence tout de suite, c'est le Mycoblog du Québec. Des champignons. Oui, parce que la mycologie, c'est l'étude des champignons. L'étude scientifique des champignons, et là, c'est un délicieux jeu de mots, le Mycoblog. C'est un blog sur les champignons. Et voilà. J'ai de la comprendre, bravo. Et voilà. Donc, c'est une dame qui s'intéresse à la consommation des champignons sauvages. Là, j'ai lu un petit peu sur le sujet, les champignons sauvages, puis c'est hyper dangereux d'attraper un champignon qui se consomme pas, puis de mourir presque instantanément. Oui, il y a qui se ressemble un peu aussi. Oui, c'est ça, puis qui sont similaires les uns les autres. Donc, ce qu'elle dit, c'est en gros d'être vraiment prudent. Oui. Quand on mange des champignons. Sinon, le deuxième lien, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Là. Je sais même pas à quoi ça peut penser. Le titre, c'est « Comment devenir un chrétien non comestible? » Ouh, c'est vrai, hein, que... Parce que tu as tout le temps envie de manger un chrétien. Oui, clairement. Les oreilles de Christ, ça vient de là. Ben oui. Mais en fait, c'est le blog de Joel Spinks, qui est un révérend d'une église chrétienne, qui fait une espèce de balado-diffusion particulièrement spécial. Il utilise le mot « amen » comme de la ponctuation, presque, à chaque fin de phrase, à chaque virgule qui est possible, il dit un « amen ». Et ce qui nous explique, là, je dis où ce qui s'en va avec un chrétien non comestible, c'est qu'en fait, dans un verset de la Bible, dans le verset de Pierre, écrit que le diable est comme un lion. OK. Ouais. Donc, il faut se rendre non comestible parce que le lion veut nous manger. Ah, ben oui. Évidemment. Donc, il s'est trouvé super drôle en disant « Soyez non comestible, ne vous faites pas dévorer par ce lion qui est le diable. » Oui, ça, c'est une grande métaphore. Oui, c'est ça, une allégorie très longue pour nous expliquer qu'il ne faut pas devenir comestible. Incroyable. Eh oui. La prochaine question, c'est... comment reconnaître un œuf comestible d'un œuf contenant un poussin? Oh! Est-ce que vous êtes familier avec la culture du poussin? Non, j'ai mangé un œuf au Oreo hier, les nouveaux. Ah, oh, ouais? Au Oreo, non? Les Cadbury sont écœurants. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Ben non, c'est ça, il n'y a pas de poussin dans les œufs Cadbury. Ah. Puis là, on m'a expliqué sur le blog que ça prenait absolument un coq dans un poulailler. OK. Pour qu'il y ait un petit poussin dedans, il faut que l'œuf soit fécondé. C'est super biologique à matin. Parce que sinon, elle va avoir des œufs quand même, mais ils ne seront pas fécondés, donc c'est un œuf qu'on peut manger. Exactement. OK. Mm-hmm. Ah. Puis, dans le fond, quand tu as un poulailler puis que tu as un coq dans ton poulailler, mettons que demain, Tania veut avoir un poulailler dans sa cour. Elle a déjà un coq ici. Puis que t'as un coq, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas que tu laisses ta poule couver ton œuf pendant 21 jours. Okay. Parce que c'est la période de temps dont elle a besoin pour que le poussin prenne vie. Moi, quand j'étais petite, quand j'ai su que dans les œufs il y avait potentiellement un poussin, ça me faisait tout le temps vraiment peur, tu sais, que mes parents, ils craquent l'œuf puis qu'il y a un petit poussin mort dans le poêle. Mmh. Ça me faisait vraiment, vraiment capoter. C'est vrai, hein? Pourtant, maintenant, tu manges plus. On y a tous déjà passé. T'es pas végétarienne, toi? Non, je suis pas végétarienne. Non. Non. OK. Je pense que non, vraiment pas. Comment oses-tu m'insulter ainsi? Non, en fait, mes parents ont été producteurs de viande pendant super longtemps. Donc, t'es loin le contraire exact de végétarienne. Je suis hyper carnivore. Ben, félicitations. Puis le prochain lien, c'était super intéressant quand même. Ça s'appelle, je sais pas si vous connaissez ce phénomène, c'était un article sur l'aménagement comestible. Ah. Non? Non, je ne connais pas. C'est comme dans Hansel et Gretel, une maison que tu peux manger. Je ben oui, exactement. Ben, c'est à peu près ça. Dans le fond, les gens qui font leur plate-bande, au lieu de mettre seulement des fleurs ou des arbres, on les invite à mettre, par exemple, des betteraves, parce que ça fait des belles feuilles rouges. Une haie de maïs, pourquoi pas. Des haricots, il y en a sur le bord de l'Université McGill, parce que c'est une plante qui est grimpante. Puis on peut cueillir la fève à la fin de l'été, puis tout ça. On aimerait pouvoir s'installer ici avec des tomates, comme ça tu pourrais me lancer des tomates lorsque je fais mauvaises blagues comme celle-là. Je pourrais ouvrir la fenêtre sur le côté du studio, juste en cueillir une et te la lancer. En plein fond. En plein visage. Un kung bung. Comme ils disent à Drummondville. Puis c'est ça, ce qu'ils nous proposent, c'est vraiment d'essayer de trouver des végétaux qui sont esthétiquement beaux et de les mettre dans nos plates-bandes. Puis qu'ils soient cachés un peu, c'est pas ce que ça peut avoir l'air de plantes, c'est ça? Exactement, oui. Ah, c'est une bonne idée quand même, hein? Mais tu peux les cueillir aussi, là. Oui, c'est ça. Le but, c'est ultimement de les consommer, de les manger. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que des fois, c'est difficile d'avoir un petit jardin quand on habite, par exemple, à Montréal ou même à Québec. Mm-hmm. Donc, pourquoi pas ne faire pousser des plantes comestibles dans vos plates-bandes. C'est une très bonne idée. Oui. C'est vrai. Le prochain lien, j'aimerais ça qu'on le fasse écouter. Bien sûr. C'est un enregistrement sonore de la voix de Salvador Dali qui s'exprime sur l'architecture du futur. Je suis tombé sur un PDF, moi, sur le prochain lien, attends un peu. Oui, moi aussi. Il faut que tu descendes. À combien? Les incroyables... Non, un enregistrement sonore de la voix de Salvador Dali. Je l'ai. On l'écoute. Ça devrait commencer dans les prochains instants. Mm-hmm. Est-ce que c'est un... Attends. Chez moi, il y avait un petit lien qui s'est ouvert automatiquement. Je sais pas si... Ah oui, je pense que je l'ai. Attends un petit peu. Ça et ça. Na poli chica pica padali cacamator Je suis fou! Mais en fait, je vais expliquer le site Internet. Le but du site Internet, c'est des phrases particulières que le peintre a prononcées. Parce que c'était pas seulement un peintre qui aimait beaucoup faire des films étranges du cinéma. Okay. Et tu peux envoyer, comme on peut envoyer un GIF, par exemple, sur un commentaire Facebook, mais avec une phrase de Salvador Dali. Et ce qu'il nous dit dans cette phrase-là, c'est que l'architecture du futur ne pourra être que comestible et poilue. Ah, ben oui, évidemment. Donc, quand on pense, c'est lui qui a peint les espèces d'horloges qui fondent. Oui, exactement. Là. Donc, on voit que même dans ces phrases-là, l'imaginaire ressort. Et pour lui... Une maison devrait être comestible. Les montres coulantes de Salvador Dali. On a aussi, en 1961, on avait sa phrase qui est « Jésus, c'est du fromage ». Oui, j'ai comme vu. Ça peut, ça devrait jouer, là. « Jésus, c'est du fromage ».« Jésus, c'est du fromage ». Donc, Jésus aussi est comestible. Voilà. Magnifique. Donc, déjà, on est rendu au lien 5 à 10. Celui-là, il est assez particulier. C'est une chronique d'une compagnie qui vend des insectes à manger, qui nous propose de faire une espèce d'apéro avec des insectes comestibles. Pourquoi pas à la place d'un vin et fromage, ben oui. Ben oui, un petit grillon et jus de haricots. Et Jésus, là, Jésus. Ou Jésus. Une petite tranche de Jésus avec un grillon, là, il y a que ça de vrai. Surtout qu'on sait que Jésus a mangé des insectes dans le désert. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ça s'est passé. La vérité. Oui. Et ce qui est particulier dans ce billet de blog, c'est que plutôt que nous donner des conseils sur comment bien choisir son insecte et où se les procurer, mais ce qu'elle nous dit, c'est 3 conseils. Soyez originaux, soyez prévoyants et mettez de l'ambiance. Ah ben oui. Je pensais qu'elle allait dire mettez du sriracha pour que ça goûte meilleur. Elle aurait pu. Oui. Faites-le griller, s'il vous plaît. Faites-le griller, qu'il soit mort ou quelque chose comme ça. Ouais, mais ça s'en vient de plus en plus populaire. Si vous écoutez, par exemple, des émissions pertinentes comme La Semaine verte, vous savez que la production de grillons, par exemple, c'est une culture qui coûte vraiment peu cher et qui est très nourrissante, qui se fait beaucoup en Asie et en Afrique. Donc, ça peut régler les problèmes de famine. Donc, si nous, on pouvait, les Nord-Américains... arrêter de se rebuter contre l'idée de manger des insectes, peut-être qu'on pourrait... Ben oui, on en a parlé avec... un petit peu avec Fred. Oui, avec Fred. Oui! Je pense que c'est la semaine dernière au sujet de qu'est-ce que va être le monde en 2050. Oui, oui, oui. Qu'on allait tous manger ça. Oui, qu'on allait tous manger des insectes. Mais moi, je dis pourquoi pas. Il y a de la farine faite à base d'asticots. Déjà, on voit pas la forme de l'insecte. Okay. Je pense que ça peut... C'est mieux pour le Oui, ouais, je pense que... Ouais. Psychologiquement parlant. Oui, c'est ça. On dirait que dès qu'on sait comment la viande est produite, on est plus rebuté à la manger. Ouais. Là, c'est le principe un peu des documentaires chocs qui essayent de nous faire devenir végétariens. C'est le premier principe qu'ils font, c'est vraiment de nous montrer l'abomination des abattoirs et tout ça. Et moi, j'ai vécu dedans toute ma vie. C'est donc, ça. Toi, t'es anti... comment dire? Anti-végétarianisme, non? Ben, je suis pas anti-végétarien. Je suis une consommatrice de légumineuses, mais je sais que... C'est pas tous les abattoirs qui sont monstrueux, puis que c'est fait souvent dans le respect de l'animal et tout ça. Donc, faut pas exagérer. Surtout que j'ai vu des vaches heureuses là, qui ont marché dans le champ toute leur vie, puis qu'à un moment donné, leur temps est venu d'être consommé. Oui. Ça, c'est comme ça. Ce qui arrive. C'est le cercle de la vie. Cercle de la vie, c'est exactement ça. Le prochain lien est directement lié avec l'abattoir. C'est un lien de WikiHow. Donc, WikiHow, c'est le Wikipédia de comment faire certaines choses. Et c'est comment faire du faux sang? Ah, ben oui, on a tous besoin de savoir. Ah, ben oui. Ça a du sens avec la question qui, on le rappelle, comment devenir comestible? Ben, c'est là où je m'en viens, c'est qu'il y a une recette qui permet de faire du sang comestible. Oh! Donc, si tu veux jouer un tour à l'Halloween à tes collègues de bureau, par exemple, tu peux faire la recette qui implique du beurre de peanut, du sirop de maïs, de la fécule de maïs aussi, puis du colorant. Tu peux te mettre ça sur le bord de la bouche puis le manger un peu sans t'intoxiquer. Ben c'est fun parce qu'il y a vraiment sur le WikiHow 13 méthodes et tu peux choisir celles qui sont comestibles, celles qui sont pas comestibles, avec quel ingrédient le faire. Tu as vraiment tout sur une seule page. C'est comme résumé. Oui. J'aime ça. Ça a l'air assez tachant, merci. Oui, hein. Oui, puis c'est vraiment écrit dans les conseils aussi parce que le colorant alimentaire, ça pardonne pas. Et aussi ceux avec du sirop de chocolat, par exemple. Yum. C'est sûr que... Tu mets pas ta plus belle robe. Non, c'est ça. Pour mettre du faux sang ce matin-là. En fait, une anecdote personnelle, moi, j'ai déjà eu à faire du faux sang pour une pièce de théâtre. Mm-hmm. Puis j'avais trouvé une recette qui impliquait du jus de betterave Dieu. Du sirop. Mais oui, ça tâche, mais ça sentait là, la fin du monde. Puis il a fallu avoir ça sur nous pendant un spectacle de 3 heures dans lequel on animait. Et on avait du sang sur nous. Voilà, fait que consultez WikiHow si vous voulez savoir comment faire du faux sang et pouvoir le manger par la suite. Le prochain lien il est super intéressant. Je pense que ça ne répond encore à quel sera l'avenir dans les prochaines années. C'est à propos des emballages comestibles. Oh. Ah, ça, c'est une bonne idée. Oui, vraiment, on essaye d'inventer un emballage, par exemple, qu'on passerait sous l'eau et qui deviendrait comestible ou qui goûterait un peu la même chose que le produit qu'il contient. Ah, mes croque cannelle, enfin, je vais pouvoir manger à boire. Tu vas pouvoir manger le grand cœur et les petits cœurs. Exact. Puis c'est ça, mais il y en a, ce que disait l'article, c'est que ça rebute un peu certaines personnes, l'idée de manger l'emballage, parce qu'il a passé de main en main, il a été transporté. Ouais, mais tu passes à l'eau, c'est une façon de laver quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, on est rendu là, mais je trouve que l'idée est particulièrement intelligente. Oui. En autant que je ne choisisse pas de faire, justement, pour protéger les gens des bactéries qui ne suremballent pas dans un plastique après l'emballage. Exactement. Avoir des céréales dans une boîte de plastique. Emballer l'emballage. Oui, c'est ça. Mais je souhaite pas, on nous invite souvent à consommer moins emballé, mais c'est super difficile parce que tout est emballé. Ouais. C'est difficile d'aller à l'épicerie puis de s'acheter une courgette pas emballée. Ça se vend en paquet de 3 avec un styrofoam puis une tonne de papier plastique. Donc, c'est assez difficile. Donc, moi, je suis pour l'emballage comestible le plus tôt possible. Si j'étais quelqu'un vraiment de brillant et de scientifique, là, c'est à ce genre de projet que je m'affairerais dans la vie. Si t'étais russe. Oui, si j'étais russe, je serais clairement une scientifique. Méchante, peut-être aussi. Les Russes sont tout le temps méchants pour toi. Je pourrais jouer dans un James Bond. C'est vrai. Clairement, il y a tout le temps une Russe dans un James Bond, puis il finit tout le temps par coucher avec. Oh! Je pourrais avoir des relations avec Daniel Craig. Ah ouais, voilà. C'est la solution à nos problèmes, ouais. Madame. Un prochain aliment, c'est un potentiel aliment du futur, tout comme le seront peut-être les insectes, c'est le coton. Le coton? Ah, ouais. Ouais. Ce que l'article nous dit, c'est un article du Figaro, c'est que l'huile de coton est comestible, déjà. Mais ce qu'on voudrait manger, c'est pas la fibre qui sert à faire des vêtements, mais plutôt la graine. Ah, ben oui. C'est drôle que tu parles ça parce que je pensais à des sous-vêtements mangeables, tu me parles de graines. Mais... le sujet s'en vient, Mathieu, ne désespère pas. Avec le mot comestible, on a plein de résultats qui parlent de trucs qui peuvent se manger. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une toxine qui est assez importante dans la graine qui la rend non comestible. Ah ouais. En ce moment. Okay. Et que ce que les scientifiques essaient de faire, c'est d'enlever cette toxine-là pour que ce soit consommable. Parce qu'encore une fois, les gens qui produisent le coton, c'est des gens qui souffrent souvent de sous-alimentation, de malnutrition. Mm-hmm. Donc, pouvoir se nourrir de coton, encore une fois, ça réglerait certains problèmes. Mm-hmm. Sauf qu'on l'a essayé, il y a plusieurs années qu'on essaye d'enlever cette toxine-là, mais ça rend le coton plus agréable à manger pour les insectes. Ah, ben oui. Oui, donc les cultures de coton sont moins efficaces, sont moins grandes, sont moins productives quand une fois que cette toxine-là a été enlevée. Fait que oui, ça le rend comestible, mais pas juste pour les humains, mais pour les insectes aussi. Donc, c'est pas encore au point. Eh bien, ça a l'air quand même que ça serait la deuxième source de protéines végétales derrière le soja, là, comme la meilleure source végétale. Mm-hmm. Puis en plus, le soja, ça, c'est devenu populaire très rapidement. Ouais. On souhaite la même chose pour le coton. Du lait de coton du le matin. Du lait de coton. Ben, miam, ça a l'air tout doux. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Et ça respire. J'espère qu'ils vont faire des emballages en laine, tu vas pouvoir les porter après. Oh, wow. Ça serait tellement. Ça serait vraiment le fun. Ça serait super doux. En parlant de super doux, le prochain lien, c'est... je savais pas que ça existait. On peut faire de la dentelle en sucre. Ah, ouais. Fait qu'à la place d'avoir juste le sous-vêtement mangeable, ça va être tout le petite robe de nuit. Moi, dans ma tête, je me suis inventé une robe de mariée en sucre. J'ai trouvé ça vraiment cool. Je me disais, tu t'invites les invités à prendre un morceau de ta robe. T'essayes d'être un peu habillée en dessous. Mais tu peux la distribuer. En fait, c'est utilisé en pâtisserie pour mettre autour des gâteaux. Oui. Donc, comment ça fonctionne? C'est une pâte industrielle qui se vend sucrée. Le sugar veil. Okay. Qui se met sur un petit tapis de silicone. Dans lequel est tracée la forme de dentelle. Puis là, tu fais reposer ça toute la nuit, puis ça devient une petite dentelle délicate que tu peux ensuite coller sur le gâteau pour faire des décorations. Wow. Ah, mais oui! Ouais, c'est super beau! C'est super beau, là! Ça a l'air vrai! Mm-hmm. Puis en plus, quand tu sais que c'est de la dentelle comestible, ça peut allumer plein de choses chez plein de gens. Clairement! Toi, Mathieu, tu l'essaierais? Ben là, c'est sûr. Peut-être pas sur moi. Moi, je te ferais une espèce de petit chapeau comme les filles avec des crêpes bretonnes, là. Ça tirait là, comme un gars. Merci beaucoup. Ensuite, je m'interrogeais sur ce phénomène. Le titre de l'article est très provocant. C'est le phénomène de la porno alimentaire. La porno... Pas tout à fait, ça n'a pas quelque chose à quelque part, toujours? Non, mais qu'est-ce que ça vous dit, vous, porno alimentaire? C'est-tu l'affaire qu'ils pitchent plein d'affaires dessus, là? La crème fouettée, c'est... Même pas. Le parallèle qui est fait, en fait, c'est vraiment... des gens qui regardent de la pornographie pour subvenir à un besoin qu'ils n'ont pas. Comme nous, on peut regarder des images sur Internet de nourriture, de plats qui ont l'air appétissants pour compenser le fait que dans la vie, on se nourrit mal. Ouais. Hey, c'est vrai. Mais on s'est dit dans les librairies que les livres les plus vendus, c'est les livres de cuisine. Mm-hmm. Pourtant, une autre statistique dit qu'on cuisine de moins en moins, mm-hmm. d'un autre côté. Donc, c'est ça un peu qui est paradoxal, puis c'est ce que l'article essaye de relever. On vit par procuration. Mm-hmm. Oui, exactement. C'est exactement ça. Puis, malgré que le titre nous dit le phénomène de la porno alimentaire, mais ce qu'il nous dit, c'est plutôt des conseils comment prendre des belles photos de nos plats. Donc, c'est des conseils. C'est un type pour qu'on clique dessus. Oui, là, c'est ça. Mais c'est des conseils photographiques, ultimement, pour nous inviter à prendre des beaux clichés de notre nourriture. Donc, cet article, au lieu de dénoncer la pratique de la porno alimentaire, nous explique comment mieux y participer. Ce qui est le fun, c'est que les gens vont prendre de super belles photos, puis après, ils vont sacrer un gros filtre Instagram dessus, avant de faire hashtag foodies. Mm-hmm. Ça va être tellement le fun. C'est vrai. Ouais. Mais le hamburger a l'air vraiment très bon, en passant. Mmh. Oui, tout a l'air vraiment bon. Ouais, c'est ça, je fais, ouais. Bon, on va fermer ça. Parce que là, on est en train de faire de la porno alimentaire. On a faim. Ouf. Le prochain lien est encore dans la thématique nourriture. C'est des recettes à thématique Halloween. Franchement, le faux sang, tout ça, ça revient. Il fallait que je clique sur le fait que j'ai 13 ans et plus. Moi aussi, voir parce que... Donc, c'est sûrement vraiment quelque chose d'osé, là. Parce que c'est sur le site de Vrac TV. Ah, c'est ça. Donc, ils t'invitent à avoir... C'est vraiment dégueulasse. Oui, en fait, ça, j'ai lu comment c'était fait. C'est que tu prends une pinte de lait vide, tu enlèves le dessus et tu mets des pailles à l'intérieur. Et là, tu mets le Jello dans les pailles. Puis en le retirant, ça fait comme une espèce de cerveau gélatineux. C'est un biscuit au chocolat avec sur le dessus une forme qui a l'air d'un cerveau en genre de pâte rose. Ouais. Donc, c'est fait comme ça. Puis il y a des recettes un peu plus de base. Rendre ton popcorn vert. Par exemple, ou des trucs vraiment comme ça pour faire lever vos parties d'Halloween. Puis c'est pour les 13 ans et moins, donc il n'y a pas d'alcool impliqué. Mais il peut y en avoir, c'est en mets. Exactement, vous pouvez être créatif et faire un cerveau à la vodka, peut-être. Ça serait délicieux. Oui. En parlant de délicieux, le prochain lien, j'étais sûre que ça allait arriver, ça parle malheureusement du cannibalisme. T'as pas le choix, la question, on rappelle pour les gens, comment devenir comestible. Et oui, puis le titre de l'article, c'est encore une fois, la dernière fois que j'étais venue, il y avait aussi un article du magazine Slate, et c'est encore le cas cette fois-ci. Le titre, c'est « Cannibalisme, niveau goût, à quoi ressemble la viande d'humain? » À du poulet, je te gâche. Mais en fait, tu penses, toi? Moi, j'ai comme l'impression que ce serait comme du bœuf. Ah, peut-être. Mais en fait, ce qu'on nous dit, t'es prêt, Vanessa, c'est que ça ressemble à Tania, Vanessa. Oui. Mais moi aussi, j'étais proche. Les noms en A, c'est en fait, les occurrences qu'on a datent des années 30 à peu près. Parce que c'est amoral de manger un être humain juste pour la science. On peut pas traiter les corps comme on veut. Mais en fait, c'est un homme qui était un aventurier dans les années 30 qui, dans sa biographie, avait écrit qu'il avait mangé de la chair humaine dans les tribus qui pratiquent le cannibalisme. Sauf qu'en fait, il a eu bénéficié, dans les années 30, effectivement, d'un corps humain décédé qui était dans un institut de sciences. Puis, il l'a fait cuire chez lui à Paris, puis il a goûté. Puis, ce qu'il nous dit, c'est que... le site, grillé, la viande tourne au gris comme l'agneau ou le veau. Son odeur rappelle celle du bœuf cuit. Et au niveau goût, ce qu'il écrit, c'est que un palais ordinaire à la sensibilité normale ne pourrait pas faire la différence entre la viande d'humain et de la viande animale. Ça se pas du tout, ça, pour fait que, tu sais, comme... Peut-être que tu te fais nourrir avec de la viande d'humain, puis tu sais. Qui sait? Mais je suis sûr que Anthony Bourdain l'essayerait sur un corps mort. Je suis sûr qu'il est ouvert à ça. Il a tout goûté, ce gars-là. Ah ouais? Ah oui, c'est celui qui fait de la télévision en mangeant des choses particulières. Bizarre dans différents pays, oui. Exactement. Il ferait sûr. Mm-hmm. Puis ce qu'on nous dit là-dedans aussi, comment on a pu récolter des témoignages, c'est surtout des anthropologues qui vont visiter les tribus qui pratiquent le cannibalisme, qui recueillent des témoignages. Puis, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, ça a beaucoup attrait au rituel plus que de la nourriture, une façon de manger, puis de se nourrir, puis d'être en santé. C'est vraiment quelque chose de rituel. Puis, je sais pas si vous vous rappelez du personnage de ventripotent dans Austin Powers, qui mangeait des bébés, mais il y a en tout cas, qui a le désir d'en manger. Lui, ce qu'il disait, c'est que c'était une viande qui était plus douce. Ce qu'on nous dit dans l'article, c'est que ça serait probablement dû au fait du développement du collagène qui s'accroît avec l'âge, donc qui rendrait la viande plus coriace. Ouais. Mais c'est qu'on sait même pas comment la faire cuire. Tu sais, un bébé, tu mets ça combien au four, combien de temps, tu sais pas encore. C'est complexe. Faut que tu fasses des tests. Ouh, ils disent que... Certains laisseraient entendre que la viande juvénile, donc d'enfant, serait la texture du poisson. Oui. Contrairement à celle des adultes. Donc, ça va très bien avec un vin blanc, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, finalement, lorsque vous mangez un enfant, allez-y avec un petit chardonnay blanc. Une petite sauce, là, à poisson. Imaginez-vous entrer dans la SAQ et dire « Bonjour, ce soir, on mange un enfant. » C'est ça. Qu'est-ce qui va bien avec ça? Quelle pastille de goût a mon enfant? Quand tu manges quelqu'un le gros, faut que tu manges avec la pastille charnue. Et ouais, c'est ça. Charnue! Épicée et charnue. Miam! au final, ce qu'ils nous disent dans cet article-là, c'est que ben ça dépend de l'assaisonnement, finalement, parce que chaque tribu cuisine avec sa façon... Différente. Ouais. Puis, je terminerai avec cette anecdote qu'il y a une tribu qui dit que les seins des jeunes femmes sont des morceaux de choix. Ça ne me surprend pas non plus. Je sais pas si tu peux changer la variété de ton enfant, peut-être en prendre de différents pays pour varier la saveur. Oui, peut-être que de façon interne, les goûts changent selon notre alimentation aussi. Sûrement. Je sais que quand on va, par exemple, dans des pays où il y a beaucoup de moustiques, c'est non recommandé de manger des bananes parce que notre sang goûte sucré et ça attirait les moustiques. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas de preuves, mais... Je sais que la façon dont on mange, ça influencerait notre goût. Mais je souhaite qu'on découvre jamais la réponse à cette question. Non, c'est ça. Franchement, là, je ne le saoule pas. On est rendu déjà au lien 20 à 30. Toujours pour la question comment devenir comestible. Oui. Toujours la question comment devenir comestible. Et cette fois, ce qu'on nous propose d'être comestible, eh bien, c'est les produits du cannabis. Ben oui, le pot. Le pot. On vous donne des conseils sur comment vous initier à, par exemple, le brownie. Ben oui. Des choses comme ça. Brownies au pot. Oui, et un des conseils que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est tenez-les loin des enfants. Ben oui, clairement. Identifiez vos desserts pour ne pas servir à votre grand-tante un brownie qui la ferait triper. J'aime quand même bien le numéro 2, hein, qui dit de ne pas toucher l'alcool si vous ne maîtrisez pas encore les... de consommer du cannabis. Puis il y a aussi un conseil qui dit ne conduisez pas. Et ce que le blogueur nous dit, c'est que c'est important de le repréciser parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas comme fumer. Mm-hmm. Donc, ils vont prendre leur volant, ils vont mettre leur vie en danger et celle des autres. Donc, quand même, c'est quelqu'un d'avisé qui a fait cet article, malgré son sujet. Puis il finit avec « Ne faites jamais de farce avec des aliments au cannabis, c'est jamais drôle. » Non, jamais c'est drôle. Ça. Mais tu sais, t'arrives-tu, toi, à ton parti de Noël avec des brownies au pot pour ta grand-mère et ta tante? Pas sûr. Surtout quand quelqu'un s'y attend pas, il se dit « Oh mon Dieu, je suis malade, ben, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? » Arrive à l'hôpital, intoxiqué par cannabis, elle comprend plus rien. Dans le fond, on a une tante droguée à son insu. C'est ça. Ça peut être drôle. Drôle, mais ce n'est pas drôle. Alors, la prochaine question, c'est un site qui s'appelle le Guichet du Savoir. En fait, c'est des enfants qui peuvent poser des questions. Oui, c'est un daltonien qui a fait ce site-là, hein? C'est orange, vert et jaune mélangés ensemble. Ouais, c'est comme les Patriotes, mais overdone. Je pense que c'est pour attirer l'œil des enfants. Puis il y a un enfant qui pose cette question vraiment à la fois cute et troublante. Les pingouins sont-ils comestibles? Oh. Je sais pas si elle les trouve tellement beaux qu'elle a envie de les manger, mais elle se demandait ça un peu par hasard. Est-ce que c'est comestible? Puisque ce que j'apprends, puisque je savais pas du tout, c'est que c'est une espèce très, très protégée. Donc, si elle ne peut pas être chassée, les œufs aussi sont protégés parce que semble-t-il que c'est une espèce qui est en voie d'extinction, si j'ai utilisé le bon mot. C'est extinction. Et puis, on retrouve dans les archives, quand il y a eu des expéditions dans les années, je pense que c'était en 1910, en tout cas, c'était au début des années 1900, les expéditions dans l'Antarctique avec des bateaux. Tu sais, des bateaux de bois, là, comme on voit dans les films historiques, il y en a un qui est resté pogné pendant plusieurs années dans les glaces. Pendant plusieurs mois dans les glaces. Puis c'est le sujet d'un roman, d'ailleurs, qui s'appelle « Du bon usage des étoiles ». Lisez ça, c'est super bon. Semble-t-il qu'ils ont été obligés de manger des pingouins pour se nourrir, parce que c'était la seule viande qu'il y avait proche. Bon. J'avoue, hein, quand t'es pris dans la glace... Pour la sauce, il prenait le sang du pingouin et tout ça. Ah, il y a un petit peu de vin. Ouais. C'est quoi? Le gars, il est en train de mourir puis il dit « Ah, oh, mon pingouin est ben trop sec, je vais mettre de la sauce au sang. Mange-le de même. » Oui. Donc, potentiellement, ce que la personne répond à l'enfant qui demande si les pingouins sont comestibles, c'est que peut-être qu'ils le sont, mais en ce moment, ils sont protégés. Donc, c'est pas possible de les manger, mais historiquement, ça serait fait. Puis que c'était une tribu, pas des tribus, mais des communautés inuites qui... possiblement s'en nourrirait. Voilà. Merci Juliette d'avoir posé la belle conclusion qu'il fait, c'est que t'es mieux de te faire des pingouins avec des petites olives noires, du fromage à la crème et des morceaux de carottes. Puis là, il y a comme un beau petit dessin de pingouins formé avec des... C'est très mignon. Dans le fond, c'est un beau conseil qu'il lui donne. Ne va pas chasser le pingouin, sois créatif, fais-toi-en avec des olives. Exact. Puis encore une fois, avec la question « Comment devenir comestible? » Un lien qui a été proposé par Google, c'est une invention qui a été faite, qui est une bouteille d'eau comestible qui s'appelle la... Ah, je l'ai vu ça un petit peu, c'est pas comme une genre de bulle qui t'explose dans la bouche. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Puis il y a même une vidéo qui vous explique comment le faire ça prend des ingrédients qui sont assez faciles à trouver. Ben voyons donc, semble-t-il, sur Internet ou dans les magasins spécialisés. Puis on peut le faire soi-même. Ça a l'air que c'est très simple. Puis les chercheurs qui ont inventé ce processus-là essaient d'inventer, en fait, d'imiter le processus de la clémentine ou des agrumes, ouais. Tu sais, qui marche par plein de petites alvéoles, qui serait comme dans une grande boule ou en forme de sphère qui serait consommable directement. Ça, c'est vraiment une idée excellente, difficile à transporter par contre. Oui, parce que ça a l'air assez fragile. Ouais, vraiment. Parce que ça prend juste un petit peu d'eau pour que la bulle se défasse, parce que quand tu veux la boire, tu l'ingères dans ta bouche, puis là, ça fond. L'explosion de saveurs, parce que tu vas pouvoir un jour, j'imagine, avoir des saveurs d'eau. Oui, oui, oui, sûrement. Ouais. Clairement, peut-être que je sais pas à quel point les produits, par exemple, du jus d'orange, c'est acide, est-ce que ça pourrait défaire la pellicule? Parce que je veux du pamplemousse rose! C'est mon fruit préféré! Ah oui! Oui. C'est vrai que c'est très bon. Ouais. Peu de gens l'aiment, là. Je sais, je suis tellement rebelle. Mais quand même, une bouteille équivaut à une gorgée, tu sais, c'est comme... J'espère qu'ils vendront pas ça 1,50. Oui, c'est pour ça qu'ils essayent d'inventer l'espèce de conglomérat, là, de petites gouttes, parce que c'est vraiment une petite gouttelette là, qui a l'air de se promener. Là. En plus, c'est super mignon. Donc, ça ressemble à... un bon film aussi, genre un petit personnage animé en bulle d'eau. Oui, puis il s'appellerait comme la bouteille. Voilà. Le prochain lien, c'est... Je me demande vraiment pourquoi c'est pas arrivé plus tôt, parce qu'on est quand même dans les liens de... roman qui s'appelle La femme comestible de Margaret Atwood. Puis Margaret Atwood, c'est quand même une auteure qui est très connue. Puis le mot comestible devrait sortir bien avant d'autres résultats que tu as eu. Oui, c'est Radio ça. Radio-Canada, forcez-vous. Là. Donc, La femme comestible de Margaret Atwood, c'est en fait, ça se passe dans les années 60. C'est une jeune femme qui est en voie de se marier, puis qui devient un peu nerveuse, anxieuse par rapport à la vie que ça peut lui procurer d'être une femme mariée dans les années 60. Puis elle se met à arrêter de manger. OK. Donc, on sent un peu qu'il y a aussi un aspect polémique dans le titre, La femme comestible, quelque chose qui est mangeable, qui est un produit. Donc, semble-t-il que c'est un très bon roman. Puis Margaret Atwood, on dit d'elle que c'est une des plus grandes auteures canadiennes. Donc, c'est à lire. Et ses romans sont traduits dans plus de 50 langues. Cherchez un livre à lire, Tania, ouais, sur ça. Facebook. Je pense que j'en ai trouvé. Voilà, La femme comestible de Margaret Atwood. J'ai des amis qui l'ont lu, mais lorsqu'on était au collégial, puis ils disaient que c'était un peu aride. Fait que prépare-toi. Ah, OK. Bon. Prépare-toi, Margaret Atwood, elle est aride. Bon. C'est plein de sous-entendus, j'aurais pas dit ouais, ça c'est comme ça. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais. L'avant-dernier lien, déjà, c'est qui nous apprend que les pétales de rose, ben ça se mange. Ah ben oui, c'est pas la première fois que j'entends ça. Moi, je l'ignorais complètement et puis je vais m'y mettre dès que possible. Ta nouvelle alimentation, hein, tu connais ça comme collation. Mais ben, si on jumelle des pétales de rose avec le sugar veil, là, le voile en sucre, là, ça peut vraiment faire des trucs intéressants. Ben, c'est utilisé dans des desserts, si je ne m'abuse. Oui, mais il y a l'eau de rose déjà qu'on peut utiliser pour aromatiser des produits. Ah ouais, faut pas t'en mettre beaucoup, hein? Et je m'imagine vraiment recevoir un beau bouquet de roses et me le mettre dans la gueule. Ça. Ah, t'es romantique, surtout quand tu te gueules. Ah, merci mon amour. C'est ça prend une bouchée. Wow. Et le dernier lien pour la question qui, rappelons-le, est comment devenir comestible? Hey? C'est le lien le plus étrange. C'est comme un verbatim d'une entrevue quelconque qui... on voit qu'il y a quelqu'un qui maquille quelqu'un et qu'elle utilise... des produits comme de la poudre à gâteau, des bonbons pour maquiller. Ah, wow! Et la chroniqueuse a dit, je me souviens plus son prénom, je pense que c'est une Émilie, une Émilie comestible. Donc, c'est la façon pour elle de se rendre comestible, c'est de se maquiller avec du gâteau. Ben, bon, dit que j'aime ça, cette idée-là, moi. Et voilà! Ouais, mais t'aimerais ça, hein? Mais, wow! On a fait le tour et très, très rapidement par rapport à Frédéric Bernard. Mais oui! Ben, je pense que Fred, il se permet des digressions parce qu'il est plus à l'aise, peut-être. Là. Il est familier. J'espère que tu vas te mettre à l'aise avec nous un jour. Pas dans ce sens-là, évidemment. Dans l'autre sens, un sens qui n'est pas inapproprié. Ben ouais. Tu te mettras à l'aise de façon inappropriée. Je vais, la prochaine fois, je vais porter un sugar veil. Oh, ah, c'est ça. Voir. Voilà. Ah, je pense que j'ai oublié un lien que je voulais absolument parler. Est-ce que j'ai le temps? Ben oui. Ben oui. Hey, c'est un... on parlait de petites culottes mangeables. Oui. Ben, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des huiles mangeables. Oui. Donc, on peut, comme la chroniqueur nous le dit, là, donner des bisous rigolos à notre partenaire. Ben oui. Oui, c'est un drôle d'adjectif pour signifier un bisou. Mais il est rigolo parce que ça goûte le sucre et les fruits. Puis il y a aussi, attention, écoutez-moi bien, des chandelles comestibles. Hein? Là, j'ai dit, comment ça peut procéder? On croque la chandelle. Ouais. Mais non, c'est la cire qu'ils font. Et la cire est comestible. Mais c'est la cire. Mais c'est parce qu'il y a du monde qui trippe à se verser de la cire dessus. Oui, oui, faire une petite épilation maison. Là, tu mets la cire sur ton partenaire, puis tu peux manger ce qui a fondu dessus. Mais là, ça doit être chaud à quelque part. Fait que je sais pas comment ça fonctionne. Si jamais il y a quelqu'un qui l'essaye, écrivez-moi sur Facebook. Oui, hein? Je veux savoir comment ça marche. KTF, prochaine chronique, on veut avoir quelqu'un qui a fait ça, tu sais. Ouais, s'il vous plaît. Pour nous. On demandera à Fred Bernard. Ah, j'avoue, mais je pense. Ouais, c'est une bonne idée parce que Fred, il a pas l'air d'un gars très très poilu. Non, c'est ça. Salut. C'est vrai, faut pas que tu sois poilu par exemple, parce que sinon ça pogne dans le poêle. Oh my god. Sûrement. Messieurs, faites attention, rasez-vous avant. Voilà. Je peux pas croire que j'ai fini une chronique sur. Une chance que t'as fini là-dessus. Petit truc érotique. Ben oui. Ah là là. T'es titillante pas mal. Kachiev. Kachiev, côté. On te retrouve éventuellement, on peut pas te dire à la semaine prochaine, on peut rien dire en fait. On peut rien dire, mais c'est quand Fred est fatigué. Ouais. C'est moi qui est là. C'est ça. Jusqu'à temps que tu t'annes, tu finisses par en revenir plus souvent. Ça se peut. Ça se peut que ça arrive. Katiev, côté, merci pour ta chronique Google Globe aujourd'hui. Et on va retrouver Frédéric Bernard la semaine prochaine. C'est les mercredis à 8h30. Merci encore. Ça fait plaisir. Nous, on prend une petite pause musicale. On s'en va entendre un nouvel extrait d'un groupe qu'on ne connaissait pas encore tant que ça. C'est Etoubroussé qu'on s'en va entendre. Je me suis dit que ça faisait très très sexy de dire ça, comme un petit peu quand quelqu'un est genre suave. Lui à la place, il est broussé, hein? La pièce est blue comme dans les Blue Balls là, mais ça sera pas trop fort. Est-ce que j'ai dit Blue Balls à la radio? T'as bien dit ça, ouais, c'est ce que tu viens de dire. Back to back with the downtown winds, the king is in his story. Et tout Bruce et Hey Blue. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On a quelques-unes qui sont assez coquines, justement. On parle ici, quel est le nombre idéal de partenaires sexuels? Je pense que, hein, je pense qu'il n'y a pas de chiffre, là. Mais bon, on va aller voir ça, cette étude-là. Donc, une majorité d'hommes et de femmes s'entendent pour affirmer que 10 partenaires sexuels au cours d'une vie seraient le nombre parfait. Donc, le quotidien britannique The Independent rapportait que plus de 1000 personnes ont répondu à un sondage en ligne mené par le site de rencontre extra-conjugale illicitencounter.com. Les répondants, devaient établir quel serait, selon eux, le nombre idéal de partenaires sexuels à avoir fréquenté lorsqu'on rencontre un nouveau conjoint. La réponse la plus populaire se situait entre 8 et 12 personnes dans la majorité des cas, soit 38% des répondantes féminines et 37% pour les répondants masculins. Dans ce groupe, les hommes et les femmes s'entendent pour dire que 10 partenaires sexuels au cours d'une vie, c'est à peu près l'idéal. Les résultats du sondage laissent croire que ceux qui ont connu plus de 10 partenaires sexuels dans leur vie sont considérés comme des adeptes des relations sexuelles occasionnelles. En revanche, ceux qui ont connu moins de 10 partenaires seraient perçus comme étant moins expérimentés sexuellement. Toujours selon cette étude, les hommes se méfieraient des femmes qui ont eu des relations avec plus de 10 partenaires et quelqu'un ayant couché au-delà de 20 personnes repousserait les répondants dans une proportion de 3% pour les femmes et de 4% chez les hommes. On a aussi demandé aux répondants s'ils désiraient connaître le nombre de partenaires sexuels d'un nouveau conjoint. 35% des femmes ont mentionné qu'elles voudraient tout savoir de leur nouvel amoureux, y compris ses expériences avec ses conjointes précédentes. Pour ce qui est des hommes, c'est 30% d'entre eux qui s'intéressent aux antécédents sexuels de leur nouvel partenaire. Effectivement, pas tant vouloir savoir de ce qui se passait avant, hein? Ça donne à peu près rien. Le porte-parole de l'agence illicitencounter.com, Christian Grant, a affirmé au quotidien The Independent que le jeu de la séduction change si rapidement. Je crois que nous devenons tous beaucoup plus tolérants et plus aventureux sexuellement. Si nous avions mené ce même sondage il y a 10 ans, les hommes auraient espéré que leur nouvelle conjointe ait couché avec beaucoup moins de gens. Hein? Et là, il y en a un qui dit « En autant que ce ne soit pas 10 dans la dernière semaine. » À un moment donné, il faut aller travailler. Effectivement. Fin des sacs de plastique gratuits chez Walmart. Au Mississauga, la gratuité des sacs de plastique est bientôt terminée chez Walmart Canada. L'entreprise donc a précisé qu'elle vendrait ses sacs réutilisables au prix de incitatif de 25 cents, alors qu'ils sont généralement offerts à 1 $ chez les concurrents qui ont adopté la même politique. Notre expérience, c'est que dans d'autres marchés à l'échelle mondiale, nous a appris que l'introduction de frais dissuasifs permet de réduire de plus de 50% l'utilisation de sacs de plastique. Des programmes similaires ont connu un succès comparable ici au Canada. C'est ce qu'a affirmé Lee Tappenden, chef de la commercialisation chez Walmart Canada. Dans un communiqué, cette nouvelle politique débutera en Colombie-Britannique et sera progressivement étendue dans tous les autres magasins Walmart du Canada. D'autres mesures ont été mises en place par l'entreprise dans le cadre d'un objectif zéro déchet. Selon Walmart, l'attention portée à la gestion des matières résiduelles a fait chuter de 72% le volume des déchets générés. Ben moi, je pense que c'est une bonne chose. Puis de toute façon, pour Walmart, être plus écologique, plus responsable, ben ça va être de sauver de l'argent pour eux-mêmes. Dans son communiqué, Walmart a également cité les travaux du Forum économique mondial de 2016, où il a été avancé que si rien n'est fait pour réduire l'utilisation du plastique d'ici 2050, le poids des matières plastiques contenues dans les océans de la planète excédera celui des poissons. Ça, c'est une constatation assez alarmiste et assez terrible. Hein? On veut surtout pas ça. Non, mais quand même, c'est complètement « wow ». Mais bonne chose en tout cas. Bonne chose au moins qu'on laisse tomber les sacs de plastique gratuits chez Walmart. Oui, attends un petit peu. On va se faire ça un peu après, dans 2 secondes et quart. Donc, voici enfin un jeu parfait pour les fous des chats. La folle des chats qui avait 1100 chats chez eux, elle va triper sur ce jeu. On va en essayer d'en apprendre ensemble un peu plus. Donc, fini le poil sur votre pull noir. Adieu vomi sur le tapis. Jouissez pleinement de votre passion pour les chats, à même votre cellulaire. Donc, Neko Atsume Kitty Collector est une application mobile sortie le 20 octobre 2014. Mais c'est tout récemment qu'on sent un peu plus l'engouement autour de cette application. Le but du jeu est simple, attirer le plus de chats dans son jardin à l'aide de jouets. Et le joueur peut regarder les chats dans le jardin, prendre des photos de ceux-ci et les sauvegarder dans un album. Certains des chats peuvent même laisser des petits cadeaux. Lorsque les chats quittent, ils laisseront soit des sardines argent ou or, qui est la monnaie pour acheter des jouets et la nourriture pour attirer les prochains chats. C'est ainsi que le cercle vicieux commence. Si vous avez ou avez déjà eu un chat, vous avez sûrement déjà passé quelques minutes à le regarder se battre contre un sac de papier, à essayer de se coucher dans une boîte de plastique beaucoup trop petite pour lui, ou à jouer avec un cure-oreille ou à être obsédé avec votre verre d'eau. L'application Netco Assumé, c'est exactement ça, mais dans ton cellulaire. Et c'est vraiment mignon, tellement mignon. C'est un jeu vraiment passif. Il n'y a pas vraiment de grosses actions à faire, dans le fond. La seule chose que vous avez à faire, c'est de prendre la décision de quel prochain jouet vous voulez acheter et de remplir leur gamelle lorsqu'elle est vide. La vie des chats ne dépend pas de vous. Ils ne vous visiteront plus et ne vous laisseront plus de sardines, tout simplement. On se surprend rapidement à toujours vouloir attirer plus de chats, toujours plus. Et après quelques recherches, on apprend qu'il existe des chats rares. Oui, oui, dans l'application, il y existe des chats rares. Monsieur Miyagi, hein, Monsieur Miyagi, on peut dire, de Karate Kid, Chairman Miao ou Mao, Guy Fury, animateur culinaire Guy Fieri, et Joe DiMaggio, pour n'en nommer que quelques-uns. Décidément, le créateur du jeu a réellement compris comment accrocher l'internaute moyen. C'est la recette parfaite. Cellulaire plus temps à perdre plus chat égale succès. En plus, c'est complètement gratuit et c'est disponible sur iOS ou Android. Donc, ça s'appelle... c'est quoi le nom? C'est Netco Atsume Kitty Collector. Je vois déjà les gens qui se garochent sur leur téléphone pour aller l'installer. Tiens donc ici pour la beauté, juste simplement pour le plaisir des yeux, hein, tout le monde, ça lui fait du bien de voir de la beauté. Je vous présente quelqu'un que je connaissais pas, Emily Ratajkowski, oui, qui a un décolleté qui fait jaser, et même moi je vous en jase aujourd'hui. C'était une britannico-américaine, donc, qui a créé l'émoi sur les réseaux sociaux en publiant une photo très sexy de son décolleté lors d'une soirée bien arrosée à West Hollywood. Vous irez voir ça, une plastique parfaite et divine. Le cliché a récolté 260 000 mentions j'aime en 2 jours. Cette jeune femme qui est âgée de 24 ans publie régulièrement des photos d'elle sur son compte Instagram. Peut-être que vous serez un des 4,5 millions de personnes qui la suivent déjà. Je vous invite à voir déjà 38 photos qui ont été partagées par ses abonnés. Vraiment, là, elle fait dur. Fait dur à battre. Une magnifique femme. C'était de la nouvelle, vous irez voir ça. Autant de la nouvelle que ce tyrannosaure russe Rex qui est au cœur de la tempête, hein? Eh bien oui, un homme déguisé en tyrannosaure a tenté de pelleter la neige durant la tempête Jonas qui sévit sur la côte est américaine. Tous les moyens sont bons pour faire parler de soi, hein, et pour agrémenter les joies de l'hiver. Alors que des millions d'Américains font face à la tempête Jonas, le quotidien de Telegraph a rapporté que Cliff Wayne, un Américain de 39 ans, a décidé de pelleter dans une rue anormalement enneigée du Tennessee, tout ça déguisé en tyrannosaure. Cliff Wayne a avoué que son initiative lui avait été dictée par l'impulsion du moment. Il espérait aussi faire rire son épouse et ses voisins. Sa femme a même mis une vidéo en ligne montrant son mari habillé en tyrannosaure tentant de pelleter la rue. En moins de 24 heures, la vidéo a été visionnée par plus de 3 millions de personnes. Comment tu peux imaginer que ça va faire autant de buzz pour une si ridicule niaiserie? Donc, même si son habit de tyrannosaure, même si son habit l'a tenu au chaud pendant sa corvée, Cliff Wayne a admis au Time que les bras du costume ne sont vraiment pas conçus pour déneiger. J'étais en boxeur dans le costume parce que ce truc tient vraiment bien au chaud. Si le tyrannosaure n'avait pas de si petits bras, ça aurait été vraiment confortable. J'aurais pu faire ça toute la journée. Hein? Et au moins, lui, il chiale pas de la neige, mais puis il a fait 3 millions de vues sur son compte. J'espère qu'il avait mis une pub plus payante en avant parce que il va faire la pièce. Un casque emporté par le vent, un casque de construction, casque de sécurité emporté par le vent au Québec et qui a été retrouvé sur une plage pas n'importe où en Angleterre. Oui, oui, oui. C'est le casque de Éric Duguay qui a parcouru plus de 4000 kilomètres. Donc, un travailleur de cette île dont le casque est tombé dans le Saint-Laurent en 2014 en raison d'un vent a eu toute une surprise alors que son outil de travail a été retrouvé sur une plage du sud de l'Angleterre. Éric Duguay n'en croyait pas ses oreilles lorsque ses patrons de l'entreprise de construction Pomerleau lui ont appris la nouvelle le 20 décembre. Son casque avait descendu le fleuve, a traversé l'océan Atlantique pour s'échouer à Seaton sur la côte sud de l'Angleterre à une distance d'environ 4000 kilomètres. Je travaillais au quai multi-usager en eau profonde dans la baie de Sept-Îles, oui. C'est un secteur qui est tellement venteux qu'il fallait attacher nos casques pour ne pas le perdre. Mais même attaché, il est parti, se souvient ce travailleur de 43 ans. Un bateau était habituellement affecté à récupérer les objets que les travailleurs pouvaient échapper dans le fleuve. Mais ce jour-là, le bateau était amarré et Éric Duguay n'a eu d'autre choix que de laisser filer son casque. La personne qui a récupéré le casque a simplement avisé l'entreprise Pomerleau par le courriel de sa découverte. Pour nous, les travailleurs de la construction, notre casque, c'est important. On y met plein de collants avec le nom des chantiers sur lesquels on a travaillé. Ils sont tous personnalisés. Un mois après la découverte, Éric Duguay n'a pu reprendre possession de son casque. Encore, il aimerait bien le ravoir. Selon les photos qu'il a vues, tous les collants apposés depuis le début de sa carrière en construction en 2009 se sont enlevés. Seul celui de son nom est demeuré bien en place. L'homme qui a retrouvé son casque pensait qu'il était arrivé malheur à un employé tombé dans l'eau et qu'il était décédé. Celui-ci songe maintenant à contacter l'homme qui a retrouvé son casque afin de le remercier. Et même s'il ne parle pas anglais, Éric Duguay compte bien se débrouiller pour trouver un moyen de lui démontrer sa gratitude. Check, il y a Google Translate là, par email, ça devrait faire l'affaire. Non, mais quand même. Un explorateur britannique meurt en tentant une traversée de l'Antarctique. À Londres, Henry Morsley, un aventurier britannique qui était sur le point de boucler une traversée de l'Antarctique à pied, oui, en solitaire et sans assistance, est décédé au Chili. Donc, cet ancien colonel de 55 ans se trouvait à seulement 48 kilomètres de l'arrivée. Qu'en souffrant, il a dû appeler les secours vendredi au 71e jour de son expédition. Hospitalisé à Punta Arenas, à l'extrême sud du Chili, il est mort dimanche. C'est avec une tristesse déchirante que je dois vous annoncer que mon mari, Henry Morsley, est mort à la suite d'une défaillance totale de ses organes. C'est ce qu'a expliqué sa femme Johanna dans un communiqué. L'aventurier et père de deux enfants avait parcouru environ 1600 kilomètres à travers l'Antarctique et souffrait de fatigue et de déshydratation. À Puntas Arenas, les médecins avaient également diagnostiqué une péritonite bactérienne. Le projet de Worsley était de compléter la traversée inachevée de l'Antarctique de l'explorateur Ernest Shackleton, qui avait fait M. Shackleton en 1915. L'exploit aurait constitué, selon les organisateurs, la première traversée à pied, en solitaire et sans assistance du continent blanc. C'est un homme qui a fait montre d'un grand courage et d'une grande détermination. C'est comme ça qu'a réagi le prince William, parrain de cette expédition. Nous avons perdu un ami, mais il restera une source d'inspiration pour nous tous. David Beckham a également rendu hommage à un homme qui a servi notre pays pendant tant d'années. Aucun mot ne saurait décrire la peine provoquée par la perte d'Henry, a dit l'ancien footballeur britannique sur son compte Instagram. La tentative de Worsley a permis de recueillir plus de 130 000 euros au profit des militaires blessés par l'entremise, du fonds Endeavour Fund, soutenu par le duc et la duchesse de Cambridge. En 2013, un autre explorateur britannique, Ranulf Fiennes, avait dû renoncer à faire une traversée de l'Antarctique en hiver à ski. À cause d'engelures, il avait toutefois réussi l'expédition à pied et sans assistance en 92 et 93, mais c'était en été. Tollé sur le net, ça, j'espère que ça a fait un tollé. Tollé sur le net après qu'une fatwa saoudienne interdise le jeu d'échecs. À Dubaï, une fatwa lancée par un haut dignitaire religieux saoudien déclare que le jeu d'échecs est interdit par l'islam et le qualifie de perte de temps. Dans une vidéo extraite d'un programme de télévision et postée en ligne, le grand moufti d'Arabie Saoudite, le Sheikh Abdel Aziz Al-Sheikh, est catégorique concernant le jeu d'échecs. Les échecs sont interdits, dit la plus haute autorité religieuse de ce royaume ultra-conservateur. C'est une perte de temps et d'argent et il provoque l'animosité entre les joueurs. Les causes de la résurgence de cette vidéo, qui date d'un mois, ne seront pas ne sont pas claires, mais les réactions à la mise en ligne ne se sont pas faites attendre. La tentative de l'Arabie saoudite d'interdire les échecs est stupide. Nous devrions nous préoccuper davantage de leur interdiction concernant les droits de l'homme et de la démocratie. C'est ce qu'a publié le légendaire joueur d'échecs Garry Kasparov sur son compte Twitter. Le moufti d'Arabie a déclaré les échecs haram, donc interdits par la religion. Apparemment, ce jeu requiert l'utilisation de votre cerveau et c'est ça l'haram, a ironisé sur le même réseau social le producteur de télévision libanais Nasser Fakik. OK, qu'en est-il de la PlayStation, de la Xbox halal ou haram? Se demande un utilisateur sur Twitter sous le compte RakaN4U. En 2001, le même Mufti avait déjà recommandé l'interdiction des jeux d'aventure pour enfants Pokémon qui s'apparente à un jeu d'argent en raison de la compétition impliquant parfois le paiement de sommes d'argent entre les collectionneurs de cartes. Tu sais, dans le grand n'importe quoi, là, ben, ça remporte encore des prix. Ça, ici, c'est complètement ridicule. À Brossard, les cendres ne sont pas celles de leur père. Donc, une famille de Brossard endeuillée a reçu les cendres de son père étiquetées au nom d'un autre homme décédé. Malgré ces démarches, la famille n'a toujours pas la certitude qu'il s'agit bien des cendres de son proche Robert Charpie. Monsieur Charpie est décédé de manière naturelle il y a quelques jours à l'âge de 73 ans. La famille a récupéré ses cendres et c'est en ouvrant l'urne qu'ils se sont rendus compte de l'erreur. L'étiquette du sac contenant les cendres indiquait le nom d'un autre défunt. C'est celui de Gérald Brault, lui aussi décédé il y a quelques jours. La famille a quand même organisé les funérailles, mais elle refuse d'aller plus loin, tant et aussi longtemps que les cendres de leur vrai défunt ne soient officiellement identifiés. Kathleen Charpie, la fille du défunt, n'en revient pas. On me dit de poursuivre les cérémonies et de ne pas m'en faire et que les cendres sont bien, bel et bien celles de mon père. Mais le doute persiste toujours et il va toujours persister. Stephen Charpie, le fils du défunt, est aussi ébranlé. C'est pas fini, c'est pas clos, c'est pas clair. Non, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. La famille a fait affaire avec le complexe Le Sieur et Frères, présidé par Marc Légaré. Le groupe a promis une rencontre avec la famille dès lundi pour que toute la lumière soit faite sur cette triste histoire. Assez étrange. Puis l'autre famille, eux autres, tu s'en fous? Les monsieur, la famille Brault, là, Gérald Brault, eux autres, il n'y a pas de problème. Eux autres, ils n'ont pas de problème avec ça. Il faudra avoir un peu ce côté de l'histoire aussi, me semble. On va aller tout de suite en pause musicale. La pièce que je vous propose, eh bien, c'est du Loco Locas, la mémoire de Loco Locas qu'on écoute tout de suite. Restez là. Mais est-ce que je peux vous demander de poursuivre un peu plus votre réflexion pour nous aujourd'hui? Ça va nous aider à rédiger notre rapport. Cyclique et laïque, laïque, c'est que certains excités ont décidé d'exciser la cité de sa laïcité. Mais moi, la religion, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma tasse de thé. L'autre jour, oui, je l'avoue, j'ai overreacté. Quand j'ai ouvert la porte à un témoin de Jéhovah, j'ai compris enfin pourquoi la revue se nomme Réveillez-vous. Les 7h du matin, quand tu sonnes chez vous. Mais crissez-moi patience, moi j'ai foi dans la science. J'en sens la conscience et la désobéissance. Puis j'écœure pas personne avec l'évolution de l'homme. La pomme d'Isaac Newton ou le gramophone d'Edison. Si on s'est débarrassé des satanés souffrants en 1960, c'est pas pour que les bons dieux rirent par en arrière dans la bergerie. Moi dans ma maison, j'aime mieux la raison qu'une oraison. Et Marie Poste en tant qu'apostat tient dans ce constat. On s'appelle Israël, Michel ou Rachid, on aime les baguettes, le beurre d'arachide ou le couscous. Ici c'est une seule justice pour tous. Que tu sois de grand-mère, près du Saint-Maurice, ou que ta grand-mère vienne des îles Maurice, en autant qu'on est la même grammaire crévisse, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Que tu sois de Métis, près du Saint-Laurent, ou fou que t'es du sol 100% métis. En dépit des marées, de la neige et du vent, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Comme ça les commissaires, il faudrait qu'on s'efface, qu'on se voile la face, qu'on agisse en majoritaire alors qu'on a la langue à part. Mais sachez mes patriarches que si vous mettez la hache dans ma souche, vous allez frapper haineux. J'suis pas pour les mains comme moi haineux, mais à force d'avoir été lacéré, mon écorce s'est écorchée. Puis j'irai pas la serrer pour plaire à la presse et frapper ceux qui nous pensent à quatre pattes. Franchement, est-ce qu'on est fiers d'être franco ou si on est 6 millions de facsimilés, de fucking prog assimilés? Mais si on reste assis pendant qu'on se liquéfie, pourquoi ceux qui viennent ici nous diraient s'il vous plaît merci? Bienvenue à tous les nouveaux venus, mais c'était la place en masse pour rassembler toutes les races. Certes, on fait pas d'omelette sans casser deux, mais on fera pas le Québec en se passant deux. Que tu sois ta grand-mère près du Saint-Maurice, ou que ta grand-mère vienne des îles Maurice, en autant comme de la grand-mère Crévisse, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Que tu sois de métis près du Saint-Laurent, ou que t'aies du sol 100% métis, en dépit des marées, de la neige et du vent, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Que tu sois ta grand-mère près du Saint-Maurice, que ta grand-mère vient des îles Maurice, en autant que de la main de la mer Clévis, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Que tu sois de métis près du Saint-Laurent, ou que t'aies du sol 100% métis, en dépit des marées, de la neige et du vent, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Bon, très bien, merci beaucoup. Loco Locas avec la mémoire de Loco Locas. Vous êtes bien en dîner de con avec Danny Janvier et ce jusqu'à 13h. En tout cas, moi, je m'occupe de vous jusqu'à cette heure-là. Et puis, ben, on continue dans nos nouvelles. Je vous parle des riches et des puissants de ce monde qui s'inquiètent des robots tueurs. Peut-être que c'est une bonne chose que ces riches et puissants de ce monde s'inquiètent d'une chose aussi importante, hein, parce qu'on a vu ça dans les films de science-fiction depuis plusieurs années. Mais c'est parce qu'on est en train d'entrer dans la science-fiction. À Davos, en Suisse, l'humanité peut-elle assister sans réagir à l'ascension des robots tueurs de type Terminator qui décident d'eux-mêmes qui ils vont tuer et quand? Des experts de haut niveau se sont inquiétés sur cette question et réclament des garde-fous. Les drones, jadis limités à des missions de renseignement et devenus aujourd'hui des engins tueurs, vont-ils céder la place à une nouvelle génération d'armes autonomes dotées d'une intelligence artificielle? Nous ne parlons pas de drones qui sont contrôlés par des humains, nous parlons d'armes autonomes, ce qui signifie qu'il n'y a personne derrière elles, des armes très précises qui peuvent localiser et attaquer des cibles sans intervention humaine. C'est ce qu'a expliqué Stuart Russell, professeur en informatique à l'Université de Californie, lors de ce débat organisé au Forum économique mondial de Davos. Une machine qui décide de frapper quand elle veut et qui choisit sa cible en fonction d'une mission destructrice générale qui lui a été assignée. Mais comment cette machine, aussi intelligente qu'elle puisse être, fera-t-elle la différence entre un civil et un soldat, entre un soldat et un rebelle qui se bat pour une bonne ou une mauvaise cause? Comment évitera-t-elle de tirer sur un pilote qui vient de s'éjecter d'un avion et descend en parachute et qui cesse donc d'être un combattant? Bonne question, hein? La question est de savoir si les robots peuvent se plier aux règles de la guerre. À la Convention de Genève, dit Stuart Russell, les robots tueurs, cela signifie que les humains sont dépouillés de toute responsabilité morale. C'est ce qu'ajoute Alan Winfield, professeur d'ingénierie électronique de l'Université of West of England. Et comment ces machines qui pourraient voir le jour dans les prochaines années, selon les scientifiques, se comporteront-elles dans des zones qui sont non conventionnelles, qui n'auraient pas été imaginées par leurs concepteurs? Quand vous placez un robot dans un environnement chaotique, il se conduit de manière chaotique, ajoute M. Winfield. Nous n'en sommes pas au stade où des armées de Terminator se battent entre elles et à la fin, un des belligérants, par procuration, admet sa défaite et dit « Bon, vous avez gagné, vous pouvez prendre toutes nos femmes ». C'est ce qu'ont convenu, pardon, ces experts à Davos, mais tous pensent qu'il faut fixer des garde-fous. L'Allemande Angela Kane, qui vient de quitter ses fonctions de haute représentante de l'ONU pour des questions de désarmement, a contribué à partir de 2013 à lancer le débat sur les armes autonomes au sein de l'assistance internationale. En juillet dernier, donc, plusieurs milliers de chercheurs et de personnalités, dont le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking, ont lancé un appel pour l'interdiction des robots tueurs alertant sur les dangers d'erreurs de cible et des usages terroristes. On a pris beaucoup de retard pour réagir et c'est peut-être même trop tard, a estimé Mme Kane lors du débat. Il y a beaucoup de pays, de nombreux représentants de la communauté internationale qui ne comprennent pas de quoi on parle. Ces progrès techniques ne sont partagés que par un certain nombre de pays qui sont très avancés. Si vous retirez l'éthique, le jugement et la moralité de l'activité humaine, que ce soit en temps de paix ou de guerre, vous entraînez alors l'humanité à un niveau qui dépasse notre compréhension. C'est ce qu'a fait remarquer Sir Roger Carr, président de BAA Systems, gros fabricant britannique d'armes et de systèmes aéronautiques. On ne peut pas mettre en action quelque chose qui, en cas de dysfonctionnement, peut s'avérer très destructeur avec aucun mécanisme de contrôle humain. Je suis contre les robots pour des raisons éthiques, mais je ne pense pas que ce sont des raisons éthiques qui vont l'emporter. Je pense que ce seront des arguments stratégiques, a conclu M. Russell. Il a rappelé que les Américains avaient renoncé aux armes biologiques parce qu'ils avaient réalisé que ces armes pouvaient être utilisées par n'importe qui et contre eux-mêmes. J'espère que c'est ce qui se passera avec les robots, a-t-il ajouté, et j'espère que de nombreux pays s'efforceront de proposer un projet de traité dans les deux prochaines années sur cette question, a-t-il ajouté et a-t-il souhaité aussi. Je pense que c'est bien que les grands de ce monde et les puissants de ce monde s'inquiètent à propos des robots. Une commission scolaire du Colorado fait la promotion de la pureté des jeunes filles. La commission scolaire Mesa Valley Donc, il fait la promotion d'événements religieux incitant les jeunes filles de 11 ans à rester pures pendant qu'elles se cherchent un mari. Ben là, les jeunes filles de 11 ans, c'est sûr. On comprend tout à fait ça, c'est juste normal. Donc, selon le site de nouvelles Raw Story, des parents se sont plaints parce que cette commission scolaire du district 51... Area 51, utilisait son service de courriel pour promouvoir la tenue d'un événement religieux. Au cours de cet événement, devant se tenir le 22 janvier, eh bien, des conférenciers y parleront de l'importance de rester vierge afin d'aider les jeunes filles à trouver un mari. C'est une blogueuse du Colorado, Anne Landman, qui a exposé l'affaire pour la première fois. L'événement se nomme « Wake Up Sleeping Beauty Worship at This Feet ». Donc, réveille-toi, belle au bois dormant, prosterne-toi à ses pieds. Cette journée est organisée par June Fallhauer et son organisation religieuse de Wake Up Ministry. Dans le message adressé aux parents, on peut voir la silhouette du visage d'une jeune fille juxtaposée à un passage de l'Évangile selon Saint-Luc, chapitre 7, verset 38, qui dit « Elle se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds et les larmes, puis essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. » L'imagerie déployée dans ce texte biblique a indigné plus d'un parent qui a décidé de porter plainte, de voir une femme et une jeune fille pleurer aux pieds d'un homme pour ensuite prendre ses cheveux pour lui laver les pieds est plutôt humiliant. Ironiquement, on utilise ce genre d'image pour promouvoir un événement censé renforcer et soutenir les jeunes filles et les femmes. Ça perd tout son sens. La plainte du parent a rapidement été rejetée. La responsable des communications et la commission scolaire, Jenny Smith, a plutôt affirmé dans un courriel envoyé aux parents « Nous ne trouvons pas que le message fait la promotion d'une organisation religieuse ou dénigre quiconque selon son sexe. » Ben oui, mais ça, c'est sûr, c'est vous autres selon votre petite tête. Une vidéo publiée sur la page Facebook de Wake Up Sleeping Beauty encourage les pères à protéger la pureté de leurs filles. Allez voir ça, c'est d'un grand n'importe quoi. C'est hallucinant. Et puis j'ai rien contre, là, mais puis je sais que ça n'a aucun rapport, mais on veut une extrême pureté comme ça, puis de l'autre côté, au Colorado, ben on vend du cannabis aux dépanneurs. Puis je suis pour là, qu'on vende du cannabis aux dépanneurs. Sauf que je trouve que c'est comme deux poids, deux mesures. Là. L'extrême droiture avec un laisser-aller d'un autre côté, je sais pas. Allez voir ça. Je ne sais quoi en penser. Une pétition en ligne qui veut faire interdire les pétitions. Hein, quand on parle de paradoxe ici, un internaute rigolo a trouvé une bien drôle façon d'exprimer son exaspération face à la multiplication des pétitions en ligne. Il propose tout simplement au gouvernement de les interdire. Pour ce faire, cette demande des appuis populaires au moyen d'une pétition en ligne. Alors, voici le texte qui accompagne la requête des signatures. Entendu qu'aucune pétition n'a jamais réussi à faire changer de quoi que ce soit. Entendu que nous sommes inondés de pétitions à propos de tout et de rien. Entendu que la plupart des signatures sur les pétitions sont généralement fausses ou truquées. Nous, citoyens signataires sous-signés de la présente, demandons à ce que les gouvernements fédéraux et ou provinciaux interdisent ce moyen de pression inutile et frauduleux. Non aux pétitions. Si vous voulez signer cette pétition contre les pétitions, c'est par ici. En attendant de connaître le dénouement de cette palpitante saga, nous allons écouter ce bon succès souvenir de Joe Bocan. Ben non, c'est pas vrai, on fera pas ça. C'est le succès paradoxal. C'est un peu ça. On aurait pu le faire, là, mais non, on va se laisser une petite gêne. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Voici Samuel Girard. Voici Samuel Girard, pas un Girard. Non. Salut Samuel! Hey, hey, hey, bonjour! Bonjour à toi, bienvenue! Aujourd'hui, on parle d'éducation en ta chronique de chialage. Ben oui, en fait, je mets ma sécurité en jeu ce matin. Tes amis sur Facebook te disent de faire attention à ce que tu vas dire. Oui, ça a l'air que j'ai énormément d'amis en enseignement. Ah, ben ouais. Oui! Ouais, donc je prends un sujet un peu risqué ce matin. T'es pas nécessairement de leur bord. Non, c'est ça le pire, c'est que là, tout le monde pense que hey, je vais créer la controverse, tout ça, parce que je leur dis ma façon de penser, ils vont comme « Ah ben oui, je suis d'accord. » C'est raisonnable. Ben oui, c'est... Ben, je sais pas si je peux dire le mot « raisonnable », mais je veux dire, ils me contredisent pas. OK, OK. Ils disent « Ouais, ça prend quelque chose, puis y aurait des éléments de la solution là-dedans. » Ben, commençons par le commencement. Hein? C'est ça. En fait, pourquoi ce sujet-là ce matin? Il y a toujours quelque chose qui vient... Une étincelle. C'est ça. Vrai. C'est un texte de... Comment qu'en dit-il? De l'IEDM. Donc, l'Institut économique de Montréal. OK. Donc là, on va dire, ah, c'est ça, hein, les économistes. Oui, mais c'est bon des fois les écouter. Okay. Des fois, ils font des études puis ça va un peu au-delà des chiffres. Parce que c'est quand même des gens qui aiment ça réfléchir. Malgré ce que certains peuvent penser. Mm-hmm. Et oui, il y a des économistes à gauche, à droite. J'avais fait ça un moment donné, j'étais parti avec une guerre avec un de mes amis, puis là, lui, il m'envoyait toutes des données d'un économiste pour un peu contredire des points que j'avais amenés dans mon émission. Ouais. Et après ça, moi, j'ai sorti un économiste qui reprend tout le temps le travail de l'économiste qui m'a cité. Ça finit jamais. Puis là, un moment donné, j'ai dit... Il dit, ça arrête-tu ce débat-là? Je dis, ça fait longtemps qu'il est fini. Je voulais juste te montrer qu'on peut faire dire n'importe quoi à des chiffres, ouais, puis qu'on peut se relancer continuellement avec des économistes différents. Mmh. J'ai dit, c'est éternel un combat d'économistes. Ouais, puis il n'y a peut-être pas nécessairement de gagnant dans ce combat. Non, c'est ça, surtout. C'est exactement ça. Il n'y a pas de gagnant. Mmh. C'est juste dans la façon dont tu vas amener tes chiffres que des fois, ça va te donner l'impression que tu es meilleur qu'un autre. C'est ça. Ou sinon, c'est le premier qui abandonne. Ouais, c'est ça. Mais d'habitude, il y en a qui sont entêtés. Oui, hein. Tête de cochon un peu. Ouais, c'est ça. Ah, ça, ouais. C'est un compliment des fois, mais pas toujours. C'est ça. Donc, je vous amène des chiffres. Je vous amène des raisonnements ce matin qui proviennent du texte. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a deux côtés de médaille. On va essayer d'en jaser un petit peu. On va essayer. C'est ça. Donc, le titre de l'article, c'est « L'avenir des élèves québécois hypothéqués par les enseignants incompétents ». C'est assez droit au but. Qu'est-ce qui a inspiré ce titre-là? Ben, je vous dirais que c'est pas mal les chiffres qu'on peut trouver quand on fait une demande d'accès à l'information auprès des commissions scolaires. Donc, au cours des 5 dernières années, il y a 7 enseignants permanents sur un total de près de 60 000 travaillant dans les commissions scolaires de la province qui ont été congédiés pour incompétence. OK. OK. Je vous fais juste une petite image. Donc, j'ai travaillé pour 2 compagnies privées dans lesquelles il y avait le syndicat. Mm-hmm. Et je vous dirais que dans une année... Pour entre 100 et 200 employés, je voyais à peu près le double, triple de congédiements pour incompétence pour un 100 à 200 employés par année. Donc, je compare aux chiffres sur 5 ans pour les commissions scolaires qui regroupent plus de 60 000 enseignants. Ouais, OK. Est-ce que vous voyez un petit peu le pourquoi parallèle. Que je trouve ça problématique en partant déjà? Ouais. Donc, c'est le premier chiffre qui m'a un peu fait sursauter. Donc, on parle d'une proportion de 0.01%. Okay. Là, pour vous donner une idée, OK, est-ce que vous êtes d'accord que dans le milieu de l'enseignement, on parle de gens dévoués aux jeunes, de gens qui ont fait des études, qui ont été à l'université, malgré tout, il y en a des fois qui ont des comportements violents. On parle aussi criminel. Il y en a aussi, c'est à nature, caractère sexuel. Oui, on entend souvent parler de ça. Mm-hmm. Ben souvent. C'est parce qu'on met souvent la force sur un cas pendant deux semaines. Là. Oui, on parlera pas des autres, c'est sûr. On parlera pas des professeurs ou des enseignants qui sont parfaitement modèles. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais à votre avis, dans les cinq dernières années, il y a eu combien de congédiements pour des cas comme ça? Ah, il a dû en avoir pas mal. Ouais, quand même, non, je sais pas. Au Québec? Au Québec. Sur un an? Sur les 5 ans. Sur les 5 ans. Sur 5 ans? Ah, oh, peut-être pas plus qu'une une vingtaine. Ah ouais, toi, tu dis en moi? Ouais. Moi, j'aurais dit une soixantaine. OK. C'est 7. Oh! C'est le même chiffre. On dépasse les deux, donc on perd. Ouais, c'est ça. Donc, juste vous donner une idée, ça veut dire que ces cas-là vraiment problématiques sont rares. Ouais. Donc, ça fait vraiment anormal qu'on ait le même nombre d'incompétents. Oui. Quand on sait que... Puis quand je dis incompétent, ça veut pas dire quelqu'un qui est incompétent à vie. Ça peut vouloir dire que dans une phase, dans un moment donné, tu donnais pas l'effort nécessaire pour le travail que tu devais accomplir. Ouais. Et j'en connais beaucoup qui ont eu un emploi, ils se font congédier pour incompétence, retrouvent un emploi quelques semaines plus tard ailleurs pour le même poste. Ils sont corrects. Et soudainement, ils sont corrects parce qu'ils ont appris de leurs erreurs. Peut-être qu'ils ont une mauvaise passe. Mais c'est ça, ouais. Exactement. Mmh. Donc, incompétence ne veut pas dire quelqu'un qui est bon rien dans la vie. Ouais. Ça peut vouloir dire aussi que dans un moment précis dans ta vie, ça allait pas. Il a quand même eu son diplôme, mais il a quand même... C'est ça. Toutes les études derrière quand même. Exact. Et pourquoi est-ce que j'amène ce point-là? C'est que les jeunes, en fait, quand tu as l'avenir des jeunes entre les mains, t'es pas censé niaiser avec ça. Non. Donc, c'est vraiment là-dessus que je veux me baser sur pourquoi est-ce que je dénonce cette situation-là. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils dénoncent, les économistes de l'IDEDM, c'est que c'est à quel point que c'est difficile de congédier quelqu'un. Ouais. Donc, eux, ils disent, si le chiffre est si bas et que c'est le même nombre que pour des cas vraiment extrêmes de congédiement, on a un problème. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'une fois qu'on a fait l'octroi de la permanence à un enseignant, eh bien, on arrête de les évaluer. Ah, complètement. Complètement. Ah. Oh. Ouais. Il y a des places où ils continuent, mais dans la majorité des cas, on arrête. Donc, toi, ta permanence, t'es correct. Ouais. Et c'est là, souvent, qu'il y en a qui se mettent à l'échapper. Ils abusent, peut-être. Exactement. Ah, ouais. Oh, j'ai ma sécurité dans le poids, j'ai ma permanence. Don't worry, be happy. Et c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'eux veulent mettre de l'avant, c'est de valoriser la profession. Ils disent que la profession serait valorisée si une grande flexibilité permettait aux commissions scolaires de remplacer certains professeurs dont les compétences ne sont pas à la hauteur. Ouais. Mm-hmm. Donc, si on dit compétences pas à la hauteur, ça revient encore plus à dire ce que je disais tantôt, que ça peut être dans un moment précis. Parce que les compétences, ça varie en fonction de ton implication. Oui. Si tu arrives des situations où tu t'impliques moins, ben, on devrait avoir le droit de te dire, ben, regarde, on te retire ta classe parce que tu as une trentaine de jeunes entre les mains qui ont besoin d'un bon apprentissage. Et là, mais présentement, ça marche pas. Tu sais comment pour le déterminer? Est-ce que c'est en attente de plainte de parents? Ou... Normalement, de la manière que ça devrait être fait, c'est que quelqu'un devrait se tenir au courant de ce qui se passe dans la classe. Un superviseur un peu. Là. Oui, mais pas. Tu sais, on voit ça souvent. Ça, c'est des choses que j'ai vues souvent. Des évaluations, mais on te dit quand est-ce que tu es évalué. Ouais, c'est ça. Ah, genre, ouais. Sache que lundi prochain... Entre telle date et telle date, tu seras évalué. Ah non, c'est même pas ça. C'est je passe telle journée à telle heure. Ouais, mais c'est aucunement... Non. Dans les commerces ou les restaurants, c'est tout le temps des personnes cachées, des agents secrets qui viennent te superviser. Encore là. Sinon, les gens se cachent. Encore là. Il y a des fois que c'est ça, et il y a des fois que c'est je viens faire une inspection à tel moment, et là, c'est les jours précédents, c'est le free-for-all total, le gros ménage, puis là, il rappelle à tous les employés les règles, puis c'est là qu'on se décide. Ça sert à rien du tout, ça. C'est ridicule, cette méthode-là de faire les choses. Au moins, ménage est fait pour après. Ouais. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que... Non, ça vaut rien. Non, c'est ça, parce que le résultat, ils le font pas. Ben oui. C'est ça que ça veut dire. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. C'est ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient se poster dans la classe... qui est vraiment visible et que là, l'enseignant va se forcer tout d'un coup devant cette personne-là, ça marche pas. Donc, il y a vraiment, faut vraiment se fier à ce que le jeune a à dire. Oui. Comme moi, quand j'avais un enseignant que ça marchait vraiment pas, j'en parlais, je le disais. Et à un moment donné, tu avais consensus au niveau de tes collègues de classe. Là, c'est peut-être un peu moins pour les jeunes entre 5 et 8 ans. Là, il y a un moment donné, mais au primaire, je vous dirais que c'est j'ai moins vu cette situation-là que exemple au secondaire. Ouais. C'est beaucoup plus difficile. Puis là, c'est pas contre les personnes qui enseignent au secondaire. J'espère. C'est beaucoup plus difficile de garder un adolescent en crise d'adolescence, quelqu'un qui se cherche ou quelqu'un qui vit des problèmes personnels. C'est beaucoup plus difficile de le garder attentif en classe que quand tu as un jeune de 7-8 ans que tu as juste à faire un jeu puis il va embarquer. Mmh. Là. C'est une réalité. Puis j'enlève rien aux gens qui enseignent au primaire. C'est pas ça le point. C'est juste c'est que pas plus facile non plus. Non, mais c'est deux mondes complètement différents. Ouais. Okay? Par contre, justement, t'as besoin de quelqu'un de dévoué pour pas qu'il y ait de problème dans ces situations-là. Mm-hmm. T'as besoin de quelqu'un que quand il va avoir un élève en difficulté, son réflexe ne sera pas de sortir l'élève puis de pas s'occuper du problème. Il faut que tu sois capable instinctivement de prendre les choses en main. Et ça revient un peu à qu'est-ce que j'avais déjà parlé. J'avais déjà écrit un texte dans le journal étudiant que j'avais intitulé « Hommage aux enseignants ». Et c'est quelque chose que je notais. Premièrement, j'aimerais ça que les enseignants soient beaucoup mieux payés. Mm-hmm. Okay? Écoute, je comprends pas que des gens qui ont l'avenir des enfants entre les mains soient si peu payés et que leur profession soit si peu valorisée. Tellement, oui. OK? Mm-hmm. Donc ça, je reviens tout le temps à ce principe-là. Donc, augmenter les salaires. Par contre, faut arrêter la sécurité d'emploi. Oui. Mm-hmm. OK? Faut être capable de dire, regarde, ça fait pas, ben tu prends un congé. On te sort de là, on met quelqu'un d'autre à ta place qui est prêt à enseigner et qui est compétent. Oui. OK? Faut qu'on puisse faire ça. Faut qu'il y ait des écoles qui soient capables facilement de tasser un enseignant problématique. Mm-hmm. Quand tu as des plaintes de parents, quand que ça marche pas avec les jeunes, quand que tu remarques des baisses dans les notes, des changements dans le dossier scolaire, pose-toi des questions. Mm-hmm. Mais là, on peut rien faire. C'est oh non, regarde l'enseignement, c'est sa méthode, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ouais. Faites avec. Non. Non, c'est pas supposé être ça, surtout pas quand t'as quelque chose d'aussi crucial entre les mains. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'avais dit aussi? Ah, au niveau du bac à l'université, mm-hmm. premièrement, ça prendra un meilleur contingentement. Ok, ouais, il y a trop de monde, tu penses? Il y a trop de monde. Mm-hmm. Ça fait en sorte aussi qu'il y a trop de listes d'attente. Quand que tu sors. Ouais. Je comprends pas personnellement comment ça que quelqu'un doit attendre des fois 10, 11 ans avant d'avoir une permanence. Mm. Tu termines ton bac à 23, 24 ans dans le meilleur des mondes et tu dois attendre des fois jusqu'à entre 30 et 35 ans avant d'avoir une permanence. Tu es en remplacement pendant ce temps-là, tu vas dans une commission scolaire loin de chez vous. Je m'excuse, mais si tu veux t'acheter une maison, si tu veux commencer à fonder une famille, mais tu mets tout le temps un frein à tous ces projets-là. Parce que t'es pas capable d'avoir une permanence. Dans le fond, le problème, c'est qu'ils acceptent trop de gens dans le cours, donc il devrait y avoir un meilleur... faudrait que les gens aient des meilleures notes pour pouvoir se rendre à ce cours-là? Ou pas seulement les meilleures notes. Je crois que ça devrait se faire sous forme d'entrevue. Okay. T'es censé, quand tu t'en vas en enseignement, être, comment dire, je le dis pas de manière péjorative, mais un personnage. OK? T'es censé être capable d'entertainer une foule. Ouais, t'as une personnalité, t'es capable de divertir les élèves. Faut que tu dégages quelque chose. T'es pas censé être juste la personne avec les bonnes notes, qui suit toutes les règles à la lettre, qui suit tout ce qu'il a vu dans les livres. Ouais. C'est pas ça, être enseignant. C'est pas une question seulement de connaissance. Non, t'es censé être capable d'improviser, t'es censé être capable de prendre la balle au bon quand il y arrive quelque chose. Ouais. Les situations imprévues. Tu fais quoi? Je vais te donner un exemple. Tu rentres un matin et là, t'as un élève turbulent que t'apprends qu'avant d'arriver à ses cours, il a mangé une volée par son père, mettons, je vois vraiment qu'une situation extrême. Mm-hmm. Là, il est dans la classe. Là, il va pas. Il a besoin d'attention. Il dérange tout le monde. Tu fais quoi? Ouais. OK? Le réflexe de certains, ça va être d'expulser l'élève. Mm-hmm. OK? Mais qu'est-ce qui arrive quand t'expulses l'élève? Appelle les parents. Qu'est-ce que ça fait? Vu qu'il y a une situation problématique, le jeune, il risque juste d'encore manger une taloche. Ouais. Ça risque juste d'envenimer la situation. Non, non. T'es censé intervenir en classe et trouver une solution pour que le jeune se sente correct et qu'il oublie un peu ça pour être apte à avoir son apprentissage. Ouais. C'est là que ça devient difficile et que c'est pas donné à tout le monde. J'ai l'impression qu'au bac, on n'évalue pas ces choses-là. On fait pas de mise en situation de ce genre-là. Mm-hmm. Okay? On va y aller avec la base, on va avoir des belles notions, on va faire des belles activités, comment occuper un groupe. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie maintenant? Et c'est ça le point difficile. Il faut que tu détectes ces gens-là. Même, qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est que dès que quelqu'un tombe au niveau secondaire, collégial, universitaire, normalement, on devrait avoir des gens qui vont chercher ces personnes-là, de les amener en enseignement. On en a beaucoup qui seraient excellents à faire le travail, mais qui vont pas dans ce milieu-là, parce que ça les intéresse pas de la manière que c'est fait actuellement. Ça, c'est un problème. On a aussi tout l'aspect de l'inclusion scolaire. OK? Maintenant, on veut que tous les groupes, OK, ce soit... En fait, que tout le monde puisse être dans les mêmes groupes. De ne pas exclure des personnes qui ont certaines difficultés d'apprentissage. Et ça, je trouve quand même que c'est bien. Il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus. À l'université, sont très bons de ce côté-là. Donc, on veut que les élèves en difficulté se sentent, comment dire, normales. Qu'ils puissent suivre un cheminement normal. Et on essaie d'adapter les classes pour que tout le monde puisse suivre un bon rythme de travail. Comme ça, on a personne qui se sent exclu, qui pourrait prendre un retard en KP parce qu'ils disent « Ouais, mais je suis pas comme les autres. » Ouais. OK? C'est normal de le faire. Le problème avec ça, c'est qu'on ne donne pas les ressources pour que ça aille mieux, parce que les ressources dans le milieu scolaire ne vont pas aux bonnes places. Vous voyez la nuance? Je dis pas qu'il faut mettre plus d'argent. Je dis juste que les ressources ne vont pas aux bonnes places. OK, ouais, ouais. Hein? C'est ça, c'est important, parce qu'il y en a qui ont le don de partir en peur. « Ouais, ça prend 1 milliard de plus en éducation. » Non, non, tout va bien en éducation, là. C'est pas une question d'argent, c'est une question de comment qu'on gère nos ressources. J'avais un beau chiffre intéressant ici que j'ai noté. Savez-vous qu'on avait 72 commissions scolaires au Québec? Non. 72 commissions scolaires qui ont chacun leur personnel pour faire, on le sait pas trop quoi, dans le cadre des services aux élèves. Ouais. OK? Je dis pas que c'est tous des incompétents des commissions scolaires, il y en a qui travaillent très fort. Sur combien de régions au Québec? Combien de régions? On a combien de régions au Québec, t'en rappelles-tu? Je me souviens pas de ça. C'est pas ça, un... ça fait partie de ma géographie. C'est cours de géo de secondaire 3. Ah oui, ouais, cours de géo de secondaire 3, c'est le chiffre que... Là, j'ai un 18-19 dans la tête. Une vingtaine, mettons. C'est quelque chose qui... Les régions administratives. Oui, c'est ça. Des paroisses, non? Ouais, non, ça, les paroisses, il y en a beaucoup trop. C'est ça. Ouais, mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que t'as le chiffre? On en aurait en tout... 17. Oh. Hey, je t'étais à j'avais, 1. J'avais dit 18-19. Oui, hey, c'est pas payé, mon affaire. Bravo. Ouais. Wow, OK. Je m'en sors bien ce matin. J'ai pas trop l'air fou. Une étoile dorée. Ouais, c'est ça. Donc, 72 commissions scolaires pour 17 régions administratives. Mais il faut voir les régions administratives, là, par contre. T'sais, comme juste en Côte-Nord, là, c'est un très grand territoire. Ben, c'est ça, sûr. C'est une région administrative, mais ça doit être minimum, genre 42 villes. Ouais, mais non, est-ce que chaque ville a besoin de sa commission scolaire? C'est ça. On se demande combien de commissions scolaires on devrait avoir. T'sais. C'est ça, parce que, exemple, on prend la Côte-Nord. Là. Je prends la Côte-Nord ici parce que c'est vraiment la plus grande. Là-dedans, tu as la Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières, Kenya-Pisco, Mingani, le golfe du Saint-Laurent. T'sais, déjà là-dedans, tu as 6 villes. Ouais. Hmm. Ouais. C'est, non, mais c'est ça. C'est exactement ça, sauf que, à quelque part... Une commission scolaire, parce qu'on s'est déjà posé la question jusqu'à quel territoire ça pouvait couvrir. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une nécessité de dire « Ah, oh, ben, on peut pas couvrir plus loin que ça. » C'est ça. Combien d'élèves? Est-ce que ça y va par le nombre d'écoles, le nombre d'élèves, le nombre de kilomètres? Comment se fait ça? C'est ça. C'est à revoir peut-être au complet. Hein. Même, on peut remettre en question l'existence des commissions scolaires. Ouais. À une certaine époque, je disais « Ok, ça va » parce qu'on voulait rendre l'éducation accessible à la grandeur du Québec. Et il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Internet. On n'avait pas cette facilité-là à transmettre de l'information. Ça prenait des commissions scolaires partout. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on est encore rendu là? Bonne question. Et est-ce que l'argent qu'on sauverait en éliminant les commissions scolaires, est-ce que c'est pas cet argent-là qui pourrait servir justement à offrir un meilleur service aux élèves et à améliorer qu'est-ce qu'on a dans nos classes? C'est sûr qu'il faudrait voir. Ouais, c'est sûr que les commissions scolaires font, mais c'est sûr qu'on a peut-être pas mené l'étude en profondeur à savoir ce qu'ils font dans les détails. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est que peu de gens de la population savent vraiment quelles sont les fonctions d'une commission scolaire. Ça existe, mais on sait pas. C'est ça, exactement. Ouais. Je pense que si les gens s'attarderaient vraiment à savoir quelles sont les fonctions des commissaires et des gens qui sont dans les commissions scolaires, on verrait peut-être un œil différent sur les commissions scolaires. Je pense que le problème est vraiment de peut-être revoir ce qui historiquement a été fait, parce que c'est pas parce que c'était comme ça avant, parce qu'il n'y avait aucune façon de communiquer entre les écoles, peut-être, je sais pas pourquoi ça a été créé, les commissions scolaires comme ça, de cette grandeur-là, mais peut-être que c'est juste resté comme ça parce que historiquement c'était comme ça. Pis ça, moi, les historiquement c'était comme ça, j'aime pas vraiment ça. Ben, c'est ça. C'est comme. Ça, c'est le même principe que la SAQ. Ouais, pourquoi est-ce que c'est encore un monopole? Ben, parce que historiquement c'était comme ça. faut revoir les choses pour changer, les améliorer. Ouais, c'est ça. Il y a moyen de changer les choses. Mm-hmm. Là. Il y a moyen d'ouvrir le marché comme ça fait pour la bière. Tellement. Donc, c'est le même genre de comparatif. On reste bloqué dans notre modèle québécois que... Oui, contre le changement. C'est ça. Soit disait, tout le monde doit aimer. Ouais. Non, c'est pas tout le monde qui aime le modèle québécois. Désolé. Non, c'est ça. C'est ça. Non, je fais attention, là, on était proche de l'anniversaire du drapeau. Oui, je pense que c'était la semaine dernière. Ouais. C'est ça, donc je vais faire attention à ce que je dis contre le modèle québécois. Hein, c'est ça. J'avais vu aussi que... T'es en territoire ami là-dessus. Oh, ouais, c'est ça. À l'émission, pas la station. Chaque émission est indépendante, tout le monde, sachez-le. Ouais, ça, je l'ai remarqué vraiment. Vraiment, hein? Ça pourrait pas être plus indépendant que ça, chaque émission ici. J'ai jamais la même opinion. D'heure en heure. Exactement. Bref. Hey, on a fait une giga parenthèse. J'ai perdu mon point. Où est-ce que j'étais rendu? Non, mais c'est correct. Je vais juste repartir sur une autre voie. C'est ça. Toi, la chose qui est plate, c'est que t'as une heure limite dans ta chronique, je pense. Hein? Aujourd'hui, c'est ça? Non, c'était juste la première journée, finalement, que j'avais une heure limite. Ah, ben, Colin. Hey, ouais. Qu'est-ce que t'as mangé hier? Veux-tu qu'on se rende? On va-tu déjeuner? Tu veux-tu vraiment le savoir? Non. Donc, on parle de commission scolaire, de problèmes avec le contingentement, entre autres, dans le bac. Oui, c'est ça. Donc, j'aimerais ça que ce soit contingenté, OK? Et qu'en plus, ça se fasse sous forme d'entrevue et qu'on aille chercher des gens chez qui on voit un potentiel pour animer une classe. Ceux qui n'étudient pas présentement là-dedans, mais qui pourraient devenir enseignant. Exactement. Au même titre que depuis que je fais ma maîtrise, que je fais de la radio et que je m'implique beaucoup dans des cours privés, tout le monde me dit « Va-t'en en enseignement ». Oui, ben oui. Ça se fait. Ça se remarque. Les gens qui arrivent et que peu importe ce que tu leur expliques, qu'ils comprennent du premier coup, ils ont tendance à te dire « Va-t'en en enseignement ». OK? Et c'est des commentaires que j'ai beaucoup et je vois d'autres gens dans mon entourage qui ont ces commentaires-là. Ils nous expliquent quelque chose, ils nous parlent d'un sujet qui est passionnant. Puis c'est incroyable leur capacité à vulgariser et à intéresser les gens sur le sujet. Mais pourquoi est-ce que si on remarque ça, on n'est pas capable d'amener ces gens-là en enseignement? Comment ça qu'on se ramasse avec des histoires d'un enseignant ou une enseignante qui est incapable de vulgariser de la matière et de faire comprendre à ses élèves comment que ça fonctionne? Comment ça que pour un cours donné de manière identique, parce que tu veux pas qu'il y ait des avantages entre si t'as un enseignant ou un autre, ok, donc les deux cours sont donnés de la même manière, avec la même théorie, les mêmes examens, comment ça que pour une classe, t'as une moyenne de 70, puis l'autre une moyenne de 90? Mm-hmm. Posez-vous des questions. Ça dépend, oui. Le professeur, la personnalité de l'enseignant va donner aux étudiants l'envie d'apprendre ou de pas écouter. Finalement. Exactement. Puis ça me fascine que personne se pose cette question-là. Ouais. On dirait que... C'est comme ça. La personne a les qualifications pour occuper ce poste-là. C'est pas assez. Non, c'est pas assez dans le milieu de l'enseignement. Parce que sinon, tant qu'à faire, aussi bien pas avoir d'enseignant puis juste mettre des PowerPoint en avant de la classe puis que ça se clique tout seul. Moi, je me souviens, au secondaire, il y avait un prof qui faisait ça. C'est un prof de biologie. Aïe. Et j'ai coulé mon cours de biologie. En fait, c'est que c'était pas un prof de biologie à la source. Exactement, c'était un prof de mathématiques. Lorsqu'il donnait son cours de maths, on comprenait tous, mais lorsqu'il venait nous expliquer le système reproducteur, on comprenait plus rien. C'était pas son domaine. Exactement. Ouais. Ça aussi, c'est un problème, ça veut dire qu'ils l'ont pas mis à la bonne place. Ouais. Il aurait dû avoir quelqu'un qui était spécialisé en bio et motivé à l'enseigner. Voilà. Bref, je trouve ça vraiment dommage. Et le dernier point que je vais amener, parce que je trouve ça important... Parce que, évidemment, je passerai pas à côté de ça. Les syndicats. Les syndicats. As-tu quelque chose à dire contre les syndicats? Mais voyons. J'ai rien à dire contre les syndicats ce matin. Ah, bon, ben, merci Sam. À la semaine prochaine. Non, c'est ça. On a-tu bien compris ce matin? Non, c'est ça. En fait, c'est que une des raisons pour laquelle on n'a pas de congédiement pour incompétence, c'est que les syndicats protègent les employés. Ouais. OK? Du système scolaire. Jusque-là, c'est correct. C'est le rôle du syndicat. Ça sert à ça, ouais. Moi, je dis qu'on devrait pas défendre l'indéfendable, mais comment est-ce qu'un syndicat peut déterminer ce qui est défendable ou non? Ouais. Eux, ils ont un membre qui a un problème avec soit sa direction d'école ou la commission scolaire, et la personne veut se défendre. OK, parfait. Donc là, j'irai pas juger de qu'est-ce qui est défendable ou non. Ça, c'est l'affaire des syndicats. Moi, je dis qu'ils défendent trop de cas indéfendables, juste par principe que le syndicat doit défendre. Mais bon, juste, c'est où la ligne? Difficile à déterminer. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'on élimine les syndicats de ce milieu de travail-là et qu'on place un ordre professionnel. OK, oui. OK? Je suis en ingénierie, j'ai un ordre professionnel. L'OIQ. C'est ça? Exactement, ouais. L'Ordre des ingénieurs du Québec. OK? Qu'est-ce que ça fait? C'est que je dois donner une partie de mon salaire à l'Ordre. C'est un petit montant par année comparé à ce qu'on gagne. C'est pas, on n'est pas dans le milieu d'une sec, là. Une chance. Donc, c'est ça. Et eux, leur travail, c'est de s'assurer que tous les ingénieurs travaillent bien et ils sont au service de la population, pas au service des ingénieurs. Donc, eux, si quelqu'un dans la population s'interroge sur la pratique d'un ingénieur, le travail de l'Ordre, c'est de sortir l'ingénieur du milieu de travail. OK. Et il n'est pas là pour défendre l'ingénieur. Il est là pour défendre un citoyen qui remet en question la façon de procéder d'un ingénieur. Ouais, et sa présence dans l'Ordre. C'est ça. En fait, sa présence dans l'entreprise sur laquelle il travaille. OK. Pour exercer le métier d'ingénieur. Un ingénieur signe un document, le projet est fait tout croche. L'Ordre des ingénieurs va intervenir et va suspendre les ingénieurs fautifs. Alors qu'en enseignement, si un enseignant a raté son coup avec un élève et qu'il y a des gens qui veulent intervenir contre cet enseignant-là, le syndicat va dire « Non, vous n'avez aucun pouvoir contre cet enseignant-là », ils vont le défendre. Comprenez-vous la nuance? Ah ouais. J'aimerais ça que ce soit un ordre professionnel qui dit « Vous avez manqué votre coup avec des jeunes. On remarque, mettons, une classe, les élèves qui ont passé, mettons, de deuxième à troisième année ont des lacunes majeures. Il y a eu un manquement. Eh bien, on te sort de ta classe et on met quelqu'un d'autre à ta place. Ouais. On défend le public. » Donc, ça vient un peu appuyer mon point de « On met fin à la sécurité d'emploi. » Et là, c'est un ordre professionnel. OK? Et un ordre professionnel, qu'est-ce que ça a comme avantage aussi? C'est que ça assure une formation continue. Ce qu'actuellement, on n'a pas. On a beaucoup d'enseignants qui ont encore les mêmes méthodes qu'ils ont vues à l'université il y a 30-40 ans. C'est clair. Et ça, c'est très, très, très problématique aujourd'hui. La capacité d'adaptation est difficile de nos jours. Exactement. Et il y a tellement de technologies qui changent. Même les jeunes avec les cellulaires, on peut y aller avec les jeunes qui passent trop de temps à ces jeux vidéo, qui sont plus concentrés en classe, l'hyperactivité, les nouvelles, les nouveaux troubles d'attention, toutes ces choses-là qu'on découvre aujourd'hui, qu'on étudie plus. Est-ce qu'on fait des mises à jour aux étudiants? Autre que juste des petites rencontres avec la direction de quelques minutes pour les mettre à jour sur quelque chose? Non. Ça prend une vraie formation continue et j'ai l'impression qu'un ordre professionnel, ça ferait ça. Ça marche en Ontario. Ah, OK. Eux, ils ont ça. Je crois qu'en Colombie-Britannique aussi, ils ont un ordre professionnel. Okay. Il y a des places qui l'ont essayé. Est-ce qu'on peut regarder les résultats que ça a donné? Et là, il y en a qui disent « Ouais, mais c'est les deux seules places qui ont fait ça au monde. » Ben, ouais, mais il y a peut-être une raison puis peut-être que ça marche plus. c'est ça. Mais traditionnellement, historiquement, on peut pas faire ça parce que ça a toujours été le même. Non, ben exactement. Ouais. Premièrement, c'est faux de dire ça. Il y a d'autres places ailleurs dans le monde qui ont des ordres professionnels pour l'enseignement. Ouais. Donc, c'est pas vrai que les provinces, c'est les deux seules places qui ont fait ça. Et comme tu dis, historiquement, on a fait d'une façon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer de même? Clairement pas, non. Pas nécessairement. Donc, bref, c'est mon point de vue sur l'éducation. Pourquoi est-ce que j'aime ça parler d'éducation? Bonne question. Je sais pas, parce que t'aimes ça parler, en général. Hein? Non, mais ce sujet-là me tient à cœur vraiment plus que d'autres. Ouais. Oublie pas, je l'avais placé numéro 1 quand tu m'as demandé de faire mon top 5 au début. T'as raison, c'est ma première chronique. Mm-hmm. OK? Je suis carrément pas dans ce domaine-là, mais à chaque fois que je vois un sujet d'éducation, ça m'interpelle, faut que j'aille lire sur le sujet, faut que j'en parle. J'ai même été jusqu'à dire que si un jour j'allais en politique, pourquoi je ferais ça? Je le sais pas. Mais admettons que dans un univers fictif, je m'en vais en politique, j'essaierais de tout faire pour m'en aller du côté du ministre de l'Éducation. Bon. Je sais pas pourquoi, je fais de même. Être porte-parole ou avoir des responsabilités dans ce domaine-là, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose que j'ai le goût de brasser des cartes là-dedans. Je fais de même. C'est bon, c'est une mission presque. C'est ça. Donc, c'était un sujet que je voulais vous amener à matin. Ça m'interpellait et l'article est sorti, je pense, ça fait une semaine et demie, bon. L'article que je vous ai amené. Donc, c'est quand même vraiment d'actualité. Et petite question pour terminer. Vas-y. 2014-2015, combien y a-t-il eu de congédiements pour incompétence au Québec? Attention, tantôt, on avait dit qu'il y en avait en éducation. Donc, juste pour vous rappeler, j'avais dit 7 dans les 5 dernières années. C'est ça. Dans la dernière année, il y en a eu combien? Un. Vous avez les deux la bonne réponse. Oui. Il y a une personne qui a été congédiée dans les 60 000. C'est pas pire, ça? Hein? Il doit en avoir plus que ça, des vrais des cas problèmes. Je pense que oui. Hein? Faites le tour des écoles, puis il a demandé aux élèves, les mauvais profs qu'ils ont eu, là, ils vont vous dresser une bonne liste. Il n'y en a sûrement pas juste un en tout. Donc, en tout cas, pour moi, le modèle est à revoir. Oui. Et j'enlève rien aux individus qui vont dans ce domaine-là. C'est un milieu très difficile. Je salue toutes mes amies, les personnes que je connais dans le milieu de l'enseignement. Sérieusement, ça prend du courage pour s'en aller là-dedans. Et lâchez pas. ça prend du monde là-dedans, ça prend des gens dévoués là-dedans, et je souhaite vraiment que ça s'en aille tout le temps de mieux en mieux. Tout à fait. Je suis quand même optimiste. Oui, t'es optimiste, c'est vrai. Hein, je veux juste qu'il y ait des choses qui changent. Tu fais pas juste chialer, t'amènes des solutions aussi. C'est... Oui, oui, ben, en tout cas, j'essaye. Ouais. J'essaye. Donc, on parle d'éducation, Samuel, mais c'est pas le seul sujet qui tient à cœur. À Génial Liberté, de quoi est-ce que tu vas parler? De quoi est-ce que tu prévois parler, mettons? Ben, je regarde... C'est loin encore, je veux dire. Oui, ben, c'est ça. C'est loin encore, mais j'avais le goût de parler de plusieurs choses. On a Pierre-Carl Péladeau qui s'est un peu mis dans la barre avec ses histoires de paradis fiscaux. Ouais. Donc, à la demande de David Ferron, il fallait au moins que je dise ça à matin. Il garde David Ferron ça comme photo de profil en ce moment. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est ça. Donc, je vais garder ça pour mon émission. Et sinon, on va se trouver quelques petits sujets à gauche et à droite. Et je veux faire aussi le complément. Tu avais lu un communiqué sur la danse, là, le swing. Ouais, c'est ouais, ça. Oui, oui, oui. Donc, je fais un peu la suite de tout ça, je crois, je lui dis. Okay. Si tout va bien. Donc, parler un peu plus en détail de la danse, c'est quoi, puis comment que ça fonctionne. Eh ben, faut que c'est ça. J'avais le goût de me lancer là. Ça me va danser en studio. Ça, c'est ce qu'il faut pas qu'il arrive. OK? Tu sais, il y a moi, là, puis à quelques kilomètres par là-bas, il y a la danse. C'est à peu près ça, là. On va voir, là. Je sais pas dans quoi je m'embarque encore, là, mais ça se peut que ce soit très drôle comme segment. Ça faut pas manquer ça, mettons. Ouais, c'est ça. Évidemment, ben, puisque Steph aime ça un peu rire de moi, ben, s'il arrive de quoi, je suis sûr qu'elle va se faire un plaisir de filmer. Voilà. Ah, sûrement. Après ça, c'est de se demander si la vidéo va sortir. Parce que moi aussi, j'ai filmé déjà Tania en train de danser en studio. Elle a pas voulu que je la mette sur Internet. Non, parce que c'était... Mais, vraiment. Mais admettons que je me fais filmer en dansant et que moi je le mets sur Internet. Est-ce que toi après ça t'acceptes de le faire? Non, hein? Non. Oh, non. Oh! C'est elle le boss ici. Ouais, okay. On les culottes, c'est ok. Elle. Ouais. Ben là, d'abord, si on me filme en dansant, je refuse moi aussi que les vidéos se retrouvent sur Internet. Et hein? Voilà. Fait que tu vas te refuser toi-même de le mettre toi-même sur Internet toi-même. Ouais, c'est ça. C'est si moi j'aurais décidé de le faire moi-même, de le poster sur Facebook, automatiquement c'est correct. Bref. On verra. C'est parce que si c'est Steph qui le filme avec son téléphone, c'est elle qui va un petit peu décider, je pense. Tu m'as perdu. Donc, mais Samuel non, Girard. Samuel Girard, jeudi 9h30, Génial Liberté, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Serge, samedi à 10h, merci Sam. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Vous allez voir, c'est de l'insolite au plus haut point. Celle-là, c'est une des nouvelles du jour. Il trouve la mort en voiture, une main sur le volant et l'autre sur son pénis. Ben oui, c'est triste de même. C'est la police de l'État du Michigan aux États-Unis qui a annoncé mardi le décès d'un automobiliste survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur un échangeur autoroutier non loin de Détroit. Le conducteur, âgé de 58 ans, a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il regardait un film pornographique. Mais pas seulement regardait le film pornographique. Lors de leur arrivée sur les lieux, les patrouilleurs sont tombés sur une scène d'accident peu commune. L'homme au volant qui a été éjecté de sa voiture était en train de regarder un film pour adultes et se masturbait lorsque le crash a eu lieu. En effet, le quinquagénaire ne portait pas de pantalon lorsqu'il a été retrouvé. Mike Shaw, de la police du Michigan, explique qu'il est de plus en plus courant de voir des automobilistes se mettre du maquillage au volant ou faire différentes choses concernant leur hygiène. Mais l'agent affirme également qu'il s'agit de l'événement le plus étrange auquel il a été confronté sur le réseau routier. On espère pour le malheureux conducteur qu'il a eu au moins le temps d'avoir eu du plaisir et de l'évacuer avant d'être emporté. Ah, ridicule. Percuté par une voiture, il survit miraculeusement. La violence du choc est incroyable. Il y a une vidéo en ligne, là, mais j'aime mieux vous dire... Ça peut choquer la sensibilité de certaines personnes, notamment les plus jeunes. Donc, si vous êtes un public averti, allez-y. La scène remonte au 14 janvier dernier. Nous sommes dans les rues de Brington, au sud de l'Angleterre. Les images de vidéo de surveillance de la ville montrent sous plusieurs angles une voiture roulant à vive allure qui va percuter un piéton avec une violence inouïe. Littéralement catapulté dans les airs par la Fiat 500, oui, une toute petite voiture, l'homme est allé et a été laissé pour mort à une dizaine de mètres du lieu de la collision. Par miracle, la victime, âgée de 53 ans, s'en est sortie. Bien que souffrant de plusieurs fractures, l'homme poursuit actuellement sa convalescence chez lui. C'est ce que nous apprend la presse anglaise. Le conducteur, lui, est activement recherché par les autorités. La police a lancé un appel à témoins. Nous sommes impatients de parler à toute personne témoin de la scène de ou qui pourrait faire avancer l'enquête. C'est ce qu'a déclaré le sergent Dan Pitcher de la police. Eh bien oui, donc si vous étiez dans le coin de Brington le 14 janvier, eh bien peut-être rejoindre la police si vous avez été témoin de quelqu'un qui s'est fait ramasser par une Fiat 500 blanche. Une dame s'invente un cancer et récolte 23 000 euros. Beau mensonge, c'est le fun après pour aider les autres qui sont vraiment dans le besoin puis qui cherchent de l'aide pour vrai. Là, ça l'encourage tout le monde à donner de l'argent aux gens très honnêtes. Son mensonge a duré 5 ans. Cette Américaine de 29 ans a profité durant des années de la générosité des internautes en faisant croire qu'elle était touchée par le cancer. Grâce à ses donateurs, elle a pu se payer de bonnes vacances et d'autres activités. Il y a 5 ans, donc, Mary Bennett annonce dans un premier message sur Facebook qu'elle est atteinte d'un cancer des ovaires. C'est le point de départ du mensonge qu'elle va désormais régulièrement alimenter grâce au réseau social. C'est ce qu'elle raconte, par exemple, des conséquences de son traitement, chute de cheveux due à la chimiothérapie, cancer en phase 4, etc. Les internautes sont émus par la situation de Mary et beaucoup d'entre eux commencent à lui envoyer de l'argent, d'autant que la jeune femme publie la liste des choses qu'elle aimerait faire avant de mourir. Un restaurant organise même une soirée caritative qui lui fera gagner 4000 euros en une seule soirée. Avec les dons, Mary Bennett se fait plaisir. Saut en parachute, tour en montgolfière, opéra, séjour dans des hôtels de luxe, voyage à Los Angeles. Et pour faire vrai, elle se rend même à l'hôpital de Houston, au Texas, avec l'un de ses donateurs et lui raconte avoir été soignée là-bas. Si elle n'indique pas comment, les médias américains rapportent que la police a récemment mis fin à l'énorme manège de la jeune femme. L'infirmière de profession a été arrêtée et poursuivie pour vol, faux et usage de faux. Nul doute que les généreux donateurs se porteront partie civile lors du procès. Grosse épaisse profiteuse! C'est vraiment ça. Puis si vous la voyez, j'ai bien raison de la traiter de ce que je l'ai fait. Une chienne termine à la 7e place d'un semi-marathon. C'est pas la grosse qui volait du monde? Non, désolé, excusez. Alors qu'elle avait échappé à la vigilance de sa propriétaire, une chienne prénommée Ludivine en a profité pour courir un semi-marathon organisé à Elkmont dans l'Alabama. Une course à pied, ou plutôt une course à pattes, qu'elle a virtuellement terminée en 7e place en signant un temps de 1h32 minutes et 56 secondes. Un authentique exploit quand on sait que l'animal a ponctuellement quitté le tracé du parcours pour renifler la dépouille d'un lapin, se rafraîchir dans un cours d'eau et ou même gambader avec un troupeau de vaches. Je l'ai d'abord aperçue sur le parking avant la course. Elle sautait dans tous les coins. À chaque fois que je pensais qu'elle avait abandonné pour rentrer chez elle, je l'entendais revenir sur moi, expliquer Jim Clements, un des participants humains à la course. La performance réalisée par Ludivine a même étonné sa propriétaire, trouvant son animal de compagnie d'habitude très paresseuse. Mais là, elle n'a pas eu de misère pantoute. Les utilisateurs de Tinder se révèlent, révèlent leur vrai visage, quelques-uns, sur Twitter. Les utilisateurs de l'application de rencontre Tinder le savent, la réalité ne correspond pas toujours à ce que leur avait laissé entrevoir le profil de la personne qu'ils rencontrent autour d'un verre, hein, quand il y a un match. Donc, les Britanniques ont ainsi lancé sur Twitter le hashtag #OnTinderAtTinder, sur lequel ils affichent côte à côte leur photo de profil Tinder et une photo prise dans la vie de tous les jours sans artifice. Une image courageuse et honnête qui montre au passage l'importance d'une bonne lumière et surtout d'un bon angle lorsqu'on se prend en photo. Vous irez voir les résultats, ça fait peur. Le avant-après, ou on peut dire le Tinder et Twitter, c'est, mettons, deux histoires différentes. Les gens pognent au moins 4-5 ans de plus sur leurs photos de Twitter. Et côté look, ah ben là, ils en arrachent. Il y a LOL Gringor là, qui fait peur sur sa photo Twitter. Mais Colin, sur sa photo Tinder, on dirait une mannequin international. Vous irez voir ça. Faites-vous votre idée et puis ne soyez pas dupes. Hein? Alors que le hashtag s'est propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, parce que les internautes ont beaucoup d'humour et d'imagination, ça a aussi rapidement donné lieu à des détournements hilarants. Entre autres, on voit Ariel, là, la petite sirène qu'on voit sur Tinder. Puis on la voit, Ariel, en petite sirène, qui est en sur Twitter. Mais dans le fond, c'est un petit bonhomme Lego. C'est peut-être un peu moins reluisant. Il y a le petit bonhomme de pain d'épices aussi sur Tinder. Tout beau. Sur Twitter, il a l'air d'une boulette de viande hachée brûlée. En tout cas, vous irez voir ça. C'est magnifique. Ah, celle-là est extraordinaire. Il y a Batman dans la nouvelle série de Batman là avec Christopher Nolan, c'est tout ça. Et puis, il y a le Batman avec Adam... Adam... Je me rappelle plus que c'est Adam... En tout cas, celui des années 60, là, comment il s'appelait? Adam West, tout simplement. Pas Kanye West, non, Adam West. En tout cas, vous irez voir ça, c'est magique. Si cette nouvelle tendance n'a pas encore atteint la France et le Québec ou le Canada, on ne doute pas un instant qu'elle fleurira bientôt sur la twittosphère québécoise. Vidéo d'un bébé guépard qui découvre la neige avec son ami le chien. Eh bien oui, la neige qui s'est abattue sur la côte est des États-Unis ce week-end aura au moins fait deux heureux. Hein? En plus du panda, là, Tian Tian, eh bien, Kumbali, un bébé guépard du zoo de Richmond, et de son ami Kago le chien ont été ravis de pouvoir gambader dans la belle poudreuse. Alors que près de 20 cm de neige sont tombés sur le zoo de Richmond, un gardien a décidé de laisser les deux compères s'amuser dans la neige. Et comme on peut le voir sur la vidéo, Kumbali et Kago ont passé toute une journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Mais l'histoire est d'autant plus belle lorsqu'on connaît le passé du petit guépard. Ce dernier en avait fait et avait en effet dû être retiré de sa mère quelques jours après sa naissance car elle ne produisait pas assez de lait pour nourrir sa portée de 3 bébés. Alors qu'il perdait beaucoup de poids, Kumbali avait dû ainsi être nourri au biberon. Mais un problème s'était alors posé. Les guépards sont des animaux sociables et ne peuvent être élevés seuls. Le zoo de Richmond avait alors décidé de présenter Kago, un petit chien provenant d'un refuge pour animaux abandonnés, aux jeunes guépards. Depuis quelques mois, les deux animaux grandissent ainsi ensemble, s'entendant à merveille, et il est même probable qu'ils passent leur existence ensemble, des vrais amis pour la vie. Et puis c'est le fun, et ils sont le fun à voir aller. Ils sont à peu près de la même grosseur. Le guépard est peut-être un peu plus gros, mais les deux s'amusent et font attention quand même à l'un et l'autre. Ils semblent vraiment, mais vraiment s'apprécier. Ça fait des images en plus très intéressantes à regarder. Allez voir ça, voir un guépard et un chien qui s'amusent et batifolent dans la neige. On va se faire une dernière nouvelle ici avant d'aller en musique. Combien d'abeilles faut-il pour produire un kilo de miel? À l'échelle de ces insectes, la production d'un kilo de miel représente un travail de titan. Cette petite quantité mobilise en effet l'énergie de 6000 abeilles. Ça prend 6000 abeilles pendant un peu moins de 2 semaines qui doivent butiner près de 6 millions de fleurs en parcourant l'équivalent de 150 000 km, soit 4 fois le tour de la Terre au plus fort de la période de production à la fin du printemps et au début de l'été. Une ruche composée de 40 000 à 70 000 individus est donc capable de produire 30 kg de miel par an. Les butineuses pèsent environ que 75 mg et sont capables de transporter leur propre poids en nectar. On estime que dans toute sa vie, une abeille produit un 1/12 de cuillère à café de miel, mais participe à la survie de la très grande majorité des espèces végétales de la planète en les pollinisant. Du fait de leur surménage pendant la période de floraison, l'espérance de vie de ces insectes n'est que de quelques semaines. Donc, ça prend 6000 abeilles pendant un peu moins de 2 semaines pour réaliser 1 kg de miel. C'est énorme. C'est pour ça que le miel, quand même, coûte cher et puis c'est avec raison. Sur ce, eh bien, on s'en va en musique avec notre ami Jimmy Hunt et la formation Chocolat. La pièce que je vous propose, c'est « Moitié homme, moitié loup ». Moi mais moitié loup. Moitié homme et moitié loup de chocolat, avec à sa tête Jimmy Hunt. Vous êtes bien dans le dîner de con, et il est... ben, c'est ça, et on continue. Donc, les chiens sont plus aimés que les chats sur Internet. J'aurais jamais cru, je pensais que c'était les chats. Il me semble qu'on voit que des vidéos de chats, puis tout le monde capote sur des vidéos de chats. Mais, semble-t-il, le chat est peut-être cet être un peu incompris, tandis que le chien, c'est ce compagnon un peu imbécile qui nous suivrait partout jusqu'à la mort. Hein? Donc, le web recenserait 112 millions de vidéos de chiens contre 105 millions mettant en scène des chats. Selon une étude dévoilée ce mardi, donc hier, par HollyDog, le leader européen des services pour animaux révèle ainsi que les lolcats ne sont pas les stars de la toile. Eh ben non. Si les vidéos et les photos mettant en scène nos compagnons à quatre pattes font l'unanimité sur le web, les chiens sont finalement les plus aimés que les chats. Ainsi, 78% des hommes interrogés disent préférer regarder des vidéos de chiens contre 21% pour les chats. Tandis que les femmes, elles, penchent à 56% pour la race canine contre 42% pour les petits félins. Ben moi, personnellement, j'aime pas les vidéos d'animaux. Je déteste ça, vraiment. Je trouve ça juste d'un ridicule. Même pas assumé. Ben oui, c'est assumé, mais en tout cas, c'est vraiment d'un ridicule vraiment intense. Et par contre, tant qu'à choisir, je préfère de loin les vidéos de chats. Moi, je trouve qu'un chien, ça n'a rien de cute. Ça a l'air imbécile. Ça n'a pas l'air intelligent. Et, tandis qu'un chat, c'est comme trop cute, un petit chaton. Il n'y a rien qui fait plus craquer que ça. Même si je les écoute pas, les vidéos de chats, je suis quand même pas insensible à un petit minou. Me semble que c'est beaucoup plus craquant. Mais bon, comme le confirme l'infographie que vous pouvez voir via cet article là, sur la page Facebook du Dîner de cons et qui est révélée par HollyDog, ce sont bien les vidéos misant sur l'humour qui s'attirent le plus de faveur des internautes puisque la moitié d'entre eux disent les apprécier loin devant celle d'émouvante publicité par un quart des sondés. Autre enseignement amusant, eh bien, ce sont finalement les femmes qui partagent le plus ce type de vidéos et que je suis surpris. Pour vrai, moi, j'ai jamais vu de gars, pas dans mon entourage, qui s'envoie des vidéos de chiens ou de chats. Mais bon. Donc, ce sont les femmes, tellement surpris, puisque plus de la moitié d'entre eux sont... attends un petit peu, deux secondes. Donc, ils partagent par la gente féminine à 72% et déclarent les publier sur les réseaux sociaux contre seulement 43% des hommes. Donc, chien versus chat, selon HollyDog, 98% chez les femmes, nous aimons, ben, c'est toutes les mêmes informations que ce que je vous ai donné. Alors, si vous êtes de la gang des chats, ben, vous allez vous mettre sur votre smartphone puis vous mettre à faire des vidéos de chats. Parce que là, il faut que les chats prennent la place plus que les chiens. Je dis ça de même. Je m'en fous. Vidéo. Quand une femme sexy fait semblant d'être ivre dans la rue, c'est une expérience qui a été menée pour voir ce qui se passe lorsqu'une femme habillée de façon assez sexy est ivre et seule en pleine rue. La comédienne, qui aborde un décolleté très généreux, se tient dans les rues de Madrid en plein après-midi, une bouteille à la main. Elle a pour consigne de montrer qu'elle a trop bu, mais de manière passive, sans en rajouter ni aguicher les hommes. Perdue dans cette grande ville avec son téléphone à plat, elle ne peut joindre ses amis. Résultat, de nombreux hommes tentent de profiter de la situation. La plupart lui proposent en effet de continuer à boire avec eux. D'autres, sous prétexte de lui fournir un chargeur pour son mobile, tentent de la conduire dans une chambre d'hôtel. À la fin de la vidéo, un homme va encore plus loin en quelques secondes seulement, voyant en elle une proie facile. Il la plaque contre un mur et commence à la peloter et à l'embrasser. L'équipe qui accompagne la jeune femme a, pour les besoins de l'expérience, filmé est alors... Bah, oui. pour les besoins de l'expérience filmée, est alors obligé d'intervenir. C'est clair. Derrière cette caméra cachée, pas comme les autres, on retrouve Neurosalus, un centre de désintoxication espagnol qui cherche à sensibiliser le grand public au danger de l'alcool. Son directeur, le docteur José Miguel Gaona, apparaît d'ailleurs dans la vidéo pour expliquer que le montage n'a pas été fait pour dramatiser les propos, au contraire. Selon lui, les scènes les plus choquantes n'ont pas été diffusées. De plus, il assure que durant l'expérience, personne n'est spontanément venu aider cette jeune femme en détresse. Se pose alors la question de ce qui se passe réellement lorsqu'une fille est seule, ivre, la nuit. D'après cette étude, en tout cas, rien de reluisant. Ça fait peur, en tout cas. Être une femme, non, j'aimerais pas ça. Le plus vieux dinosaure du monde aurait été découvert. Ce sont deux frères cherchant des fossiles le long des côtes britanniques qui ont trouvé des ossements qui pourraient être ceux du plus vieux dinosaure connu de la période jurassique du Royaume-Uni et peut-être même du monde entier. Rob et Nick Hannigan ont envoyé les ossements découverts sur les côtes sud du pays de Galles à des paléontologues de l'université de Portsmouth. Les scientifiques ont confirmé qu'ils appartenaient à un dinosaure de la famille des théropodes, un des groupes de dinosaures les plus carnassiers. L'espèce découverte aurait vécu à l'époque charnière du début du Jurassique, moment clé de la diversification des dinosaures, a précisé le co-auteur de l'analyse selon Steven Vidovic, docteur en paléontologie. Les chercheurs ont appelé cette nouvelle espèce le Dracoraptor Hannigani, qu'on peut traduire en raptor dragon, le dragon étant l'emblème du pays de Galles. Vivant il y a environ 200 millions d'années, cette espèce se nourrissait de viande avec ses petites dents pointues d'un centimètre de long. L'analyse des os ont prouvé néanmoins que le spécimen étudié était un adolescent et que la plupart de ses dents n'étaient même pas encore totalement formées. Comparé à ses cousins théropodes, le raptor dragon ressemble à une crevette mesurant 70 cm de haut et 2 mètres de long. Il fait pâle figure à côté du T-Rex, 4 mètres de haut et 12,3 mètres de long. Quand même, une belle découverte scientifique. Celle-là, c'est magnifique. Une vidéo à voir, messieurs, mesdames. C'est important quand on veut se sentir comme James Bond. Une marque de sextoy invente le smoking pour pénis. Non, vous avez compris. C'est Lelo.com, site spécialisé en jouets et accessoires pour adultes qui veut habiller un attribut masculin traditionnellement délaissé par l'industrie du vêtement. Cette entreprise, basée à Stockholm, en Suède, a en effet eu l'idée originale de créer le smoking pour pénis. Baptisé le tux, de l'anglais tuxedo, qui signifie smoking, ce costume pour pénis, se veut loin d'une idée triviale que l'on pourrait se faire de prime abord. D'après la vidéo, en tête de l'article, oui, le tux doit en effet être vu comme un véritable smoking miniature fabriqué dans les règles de l'art par un tailleur. Conçu pour pouvoir s'adapter à toutes les tailles, le tux est fait de satin et est complètement... est complété par un élégant nœud papillon, un ruban qui, selon le site marchand, glisse confortablement derrière le châssis du sexe masculin et l'empêche enfin de glisser. Si on connaît déjà la passion des Écossais pour les Willy Warmer, qui sont ces espèces de petites chaussettes ou de pulls faits pour réchauffer le pénis, eh bien, Lilo a repris le concept, mais indique avoir voulu y donner une touche élégante et moderne. À en croire les critiques sur le site ou Internet, le tux a déjà trouvé ses adeptes. Ainsi, Bill indique qu'il s'est senti un peu comme James Bond, de façon assez bizarre mais sexy, et qu'il recommanderait cet accessoire à tous ceux qui aiment s'amuser dans la chambre à coucher. Une femme, elle, Jacqueline, dit avoir eu un grand éclat de rire en utilisant le smoking pour pénis sur son mari, mais affirme avoir adoré l'accessoire et dit qu'il s'agit même de son talon d'Achille. Vendu 25,95 €, le smoking pour pénis tux n'est bien sûr pas conçu pour avoir des relations sexuelles, même s'il se veut élégant, il reste avant tout un accessoire conçu pour le jeu. Vous irez voir la vidéo, ça en dit long, ou court, ou en tout cas. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez lecefou.ca. Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Merci. Pis moi. Ah, mais attends un peu, là. Oh. Hey, tu te prends pour un co-animateur, toi, mais... là? Attends un peu, là. C'est nous autres qui te présentent. En fait, c'est tout à moi qui te présente. Tania présente. C'est vrai. Eh bien, c'est notre chroniqueur habituel, Sébastien F. Gertin. Moi, je complimente. Toi, tu dis que c'est chroniqueur habituel, comme dans « Il n'y a rien de nouveau là-dedans ». Il nous arrive avec une critique. Une chronique, oui. Une chronique. Une chronique podcast ce matin. Ah, c'est bon. C'est Sébastien F. Gertin. Avec son nom. Bulletin Gertin. Ah, travail d'équipe. Bonjour Sébastien F. Gertin. Bonjour. Bulletin Gertin. On est rendu le jour d'ailleurs, tantôt j'ai dit bonsoir. Oui, c'est ça, t'as dit bonsoir. J'ai rarement été, depuis le temps que je viens à Assemblage Requis, j'ai rarement été autant présenté en termes de quantité. C'est vrai, hein? C'est vrai? Ouais, t'es arrivé tôt. C'est ça l'affaire. C'est ce qu'on voulait en fait, tout fonctionne très bien côté timing, on a tellement de choses à faire dans l'émission d'aujourd'hui. C'est effrayant. Donc t'es arrivé pour participer à la chronique précédente, mais là c'est ta chronique à toi, c'est le Bulletin Gertin, et aujourd'hui t'as dit chronique avec podcast. Ouais. Ça veut dire pas préparer trop. C'est ça, pas préparer trop, parce que d'habitude, j'ai l'habitude d'être un petit peu trop, peut-être un petit peu trop rigoureux, paquet d'affaires. Ben tu sais, c'est dans le sens que je lis un paquet d'affaires, je m'informe sur le sujet au bout, le plus possible, ouais. Question de... Un peu comme je le ferais dans un cours que je donnerais, par exemple. Puis là, j'arrive, puis j'en dis pas le tiers. mais ton donc, public écoute plus fois... que le public dans tes cours, probablement. Ah, ça dépend. Parce que nous, on est vraiment attentifs, ça on dépend. Veut participer, tu sais. C'est ça? Ouais. Ben, mes cours sont... T'es-tu en train de dire que mes cours sont pas intéressants? Ouais, c'est non, comme non. ça qu'il dit, hein? Je l'ai entendu. Moi, je dis que les jeunes, de nos jours, hein, sont plus sur Facebook pendant les cours que d'autres choses. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Ceci étant dit, de toute façon, j'ai pas encore commencé à enseigner théoriquement. Bon, ben, je sais pas ça. C'est moi, c'est ça qui est drôle. Mais non, c'est. Ben, en fait, ça pourrait être. En fait, ça pourrait donner une très belle discussion, mais c'était ben pas oui. de ça que je voulais parler aujourd'hui. Bon. Par contre, ça me permet d'amorcer un peu quand même, c'est que dans ma très longue carrière universitaire, c'est-à-dire depuis le temps que je suis à l'université, bon, j'ai été impliqué dans certaines grèves par le passé. Et, bon, dans certaines grèves par le passé, il y avait certains chroniqueurs d'opinion qui traitaient les étudiants de « enfants rois qui font le bacon ». Je me suis souvent senti attaqué par me faire dire que je faisais le bacon. Ouais. Donc, ouais, moi, c'est une expression bacon, que je trouve... C'est un compliment, t'sais. Ben, c'est... Ouais. Mais pas faire le bacon. Ouais, non, c'est comme... Donc, puis là, je parle pas du tout de l'excellent Richard Martineau, mais oui, en fait. Ah, oh, hey, ça, c'était sarcastique à souhait, ça. Ah, c'est, écoutez, si le sarcasme était une ressource naturelle, probablement qu'on ferait, on viendrait de faire fonctionner tous les véhicules du Québec au complet pour la prochaine année. Ceci étant dit, juste dans mon excellent, mais ceci étant dit, là encore, je fais juste imiter mon sujet depuis tantôt, imiter très français d'ailleurs, on voit que je suis là encore un poète, vraiment? Comme les gens que Tania nous a présentés oui, tantôt, tout à fait. Ça aussi c'était sarcastique. Donc, ce de quoi je voulais parler, c'est que il y a des gens qui font le bacon depuis un certain temps. Puis là, je parle pas de Pierre-Carl Péladeau. Ça, je me le garde pour mon émission jeudi. Lui, d'après moi, il sait pas trop ce qu'il fait présentement. Non, ça a l'air assez... Mais en tout cas, écoutez-nous jeudi, on va en parler en long et en large, moi, puis Lucas. Tu gardes les gros sujets pour ton émission à toi, hein? Les jeudis 13h en Est. Mais j'en ai un autre très bon, puis ça, on n'en parlera pas vraiment jeudi. Fait que vous avez quand même une exclusivité. Merci. Parce qu'à m'amener la convergence... Ça va faire. Ça va faire. C'est ça. Moi, ceux de qui je parle, c'est que là, il y a comme un groupement de gens dans l'Ouest qui font le bacon pour l'avoir, leur pipeline. Ouais. Tu sais, le pipeline, le tuyau qui sert à amener du pétrole vers les bateaux qui vont l'amener ailleurs dans c'est le monde. C'est très, très genre overcompensating de vouloir un gros tuyau qui éjecte du liquide. Ben, c'est du liquide noir. Wow, mais c'est ça fait Hummer un peu. Ouais, c'est ça. Ça fait masculin. Tu compenses pour autre chose, c'est ça. Bon, pour rappeler un peu l'histoire, dans le fond, il y a la compagnie TransCanada qui est une compagnie pétrolière canadienne. En tout rien cas, à voir avec l'étranger. On nous dit, non, effectivement, c'est trans dans le sens de transport. C'est ça. Qui désirait construire un immense pipeline qui relierait les provinces de l'Ouest aux provinces maritimes pour que le pétrole albertain, très principalement albertain, les sables bitumineux dégueux qu'on entend parler souvent, les meilleurs amis de Stephen Harper, soit transporté par bateau dans les provinces maritimes, dans le fond. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ce serait un immense tuyau qui passerait par qui traverserait le Québec. T'as vu que tu peux aller aigu toi aussi, hein? Oui. Ouais. Moi, je fais exprès. Moi, c'est mon hommage à Fred Savard de la soirée encore jeune. Mais C'est ça. Donc, c'est ça, c'était bon, pour différentes raisons. Premièrement, la première tentative de ce projet-là, ça avait été de faire passer le fameux tuyau par la Colombie-Britannique et un autre par les États-Unis. Le président Obama avait formellement refusé que ça passe parce que le projet était trop broche à foin. Les élus de la Colombie-Britannique avaient formellement refusé le projet parce que c'était trop broche à foin. Quand je dis broche à foin, c'est qu'en gros, c'était « on va vous mettre un pipeline, on va le construire le plus cheap possible, puis... » C'est ça. Vous vous arrangez avec les risques d'accident, vous vous arrangez avec le fait d'exproprier les gens, puis nous, on vous compense pas. Vous avez l'honneur de recevoir vous avez l'honneur de recevoir notre pipeline dans le fond, fait que ça devrait vous suffire. Donc, puis là encore, c'est pas de faire le procès des pipelines versus le transport par train. Ça, d'ailleurs, Samuel Girard serait beaucoup plus qualifié que moi pour dire ça. Mais en résumé, je vais me fier sur son opinion là-dessus. C'est qu'en fait, un bon pipeline serait plus sécuritaire que du transport ferroviaire, ce qui est présentement pratiqué. Okay. Ceci étant dit, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on ait un bon pipeline bien construit. Oui, c'est ça, parce qu'il y a déjà la controverse là, du plomb des tuyaux aux États-Unis que les gens boivent. Ça. Ben, on ne peut pas en racheter qu'un autre tuyau mal construit. C'est ça, c'est que là, on s'entend, c'est ce qui est proposé, c'est le construire le plus cheap possible. Mm-hmm. Donc, on c'est s'entend. C'est jamais une bonne solution. Il y a eu des études faites à tour de bras sur ces modèles de pipeline-là, et bon, on s'entend, c'est pas du bien construit. C'est du bonbon pas cher. Puis le bon, là encore. Ouais, c'est ça. Donc, on s'entend, le projet est déjà pas très attirant. Et, bon, là, c'est sûr qu'au Québec, il y a une très, très grosse opposition à ça pour des raisons assez évidentes, c'est-à-dire on n'a absolument rien à y gagner puis on a tout à y perdre. Mm. Donc, on n'est pas d'accord. Ouais, décision facile. Puis là, qu'on soit pour ou contre les pipelines en général, le projet qui est présenté au Québec présentement n'est pas très intéressant pour nous. Là, ce qui a commencé à ressortir, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités reliées au Canada anglais, particulièrement à l'Ouest canadien, évidemment, dont notamment la première ministre de l'Alberta, qui disent que le Québec veut en fait avoir le beurre et l'argent du beurre. Leur théorie, c'est que, puis là je dis, c'est une théorie, ouais. Parce que c'est très, très... en fait, c'est même pas une théorie, c'est une opinion, tant qu'à moi. Parce que c'est très, très facile à démonter. C'est que ce qu'ils disent, c'est que présentement, le Québec reçoit une bonne partie de la péréquation du Canada. Qu'est-ce que la péréquation? Ouais, on en parle tellement souvent, mais on n'est pas sûr de trop... La péréquation, ce que ça fait, c'est que, dans le fond, on a un produit intérieur brut canadien. Le PIB, qu'on appelle. Le PIB. Ça, c'est, dans le fond, toutes les richesses qui sont produites à l'intérieur du Canada. On peut aussi faire le même... Dans le fond, ça, c'est un calcul. Tu calcules pour dire qu'est-ce que le Canada produit. En termes de services et de produits là, physiques. Là. Dans le fond, là, on pourrait dire que les ressources naturelles, ça rentre des produits physiques, mais ça rentre là-dedans, entre autres. Donc, la péréquation, ce que ça fait, c'est que ça réégalise les divergences de PIB entre les provinces. Et, dans le fond, ce que ça permet de faire, le but de ça, c'est un peu une redistribution pour permettre que les provinces un peu plus pauvres soient capables d'avoir à peu près le même niveau de service. Ben, c'est du socialisme excessivement soft, ouais. Là, on va se le dire. C'est juste, en fait, c'est que ça règle un paquet de problèmes qui pourraient même, tu sais, qui pourraient créer des inégalités entre les provinces, dans le fond, qui ferait que soudainement, mettons, toute la population d'une province se viderait pour aller en remplir une autre qui est plus en moyen. C'est pour éviter ça, en très, très gros, là, la raison là, très, très pragmatique au ras des pâquerettes, c'est ça que ça fait, dans le fond. Mm-hmm. Ça serait d'empêcher que, par exemple, mettons, à l'âge d'or de la fabrication manufacturière, les provinces les plus riches, c'était l'Ontario et le Québec. C'était d'empêcher, par exemple, que les maritimes se vident et que tous les gens des maritimes aillent habiter en Ontario ou au Québec, puis que là, il n'y ait plus un chat soudainement. C'est ça, que quelqu'un a eu l'idée de faire ça, quand même. C'est ça, ouais. C'est pour permettre une espèce d'équité entre les provinces. Puis donc non, ce n'est pas du gros socialisme sale, c'est juste de l'équité. C'est un mécanisme de redistribution, dans le fond. Donc, où ce que je vais en venir avec ça, c'est que depuis un certain temps, depuis une quinzaine d'années environ, peut-être même un peu plus, on pourrait dire qu'à la limite une vingtaine d'années, le Québec touche une bonne partie de péréquation, parce que ça va entre autres au prorata avec les habitants, évidemment. De la péréquation. Dans le fond, on est passé d'une province qui payait, entre guillemets, à une province qui reçoit. Okay. Là, premièrement, avec la façon que j'ai expliqué, c'est souvent comme ça que c'est expliqué, c'est-à-dire que ça serait les provinces les plus riches qui payent, qui font des chèques aux provinces les plus pauvres. Or, il n'en est rien. Puis là, on le rappelle, je parle de ça parce que on discute, ça serait le principal argument des provinces en fait de l'Alberta pour forcer le Québec à accepter le projet de pipeline. Parce que, dans le fond, ce qu'ils disent, en très très gros, c'est que présentement, l'Alberta est une des provinces avec le plus gros PIB, donc une province qui, théoriquement, contribue le plus à la péréquation canadienne. C'est ça, le PIB, c'est bon qu'il soit plus élevé, c'est ça, pour une province? C'est pas comme au golf ou au quai? C'est pas... Ouais, bon, on pourrait dire ça comme ça. C'est que là, c'est pas que c'est bon ou que c'est mauvais, c'est que c'est un état de fait. OK. Donc, c'est ça, ça serait la province qui contribue le plus au PIB canadien. Donc, ça serait en théorie la province. Je reste très, très en théorie parce que là, on parle de haute finance. Puis, il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir. C'est pas aussi simple que de dire c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose ou c'est effectivement le cas parce que c'est. Contrairement à ce que beaucoup de gens voudraient nous faire croire, l'économie et la haute finance, c'est beaucoup question d'interprétation. Et question de qu'est-ce que tu choisis de mettre dans ton calcul et qu'est-ce que tu choisis de non. Parce que oui, c'est de même, ça marche. Donc, ce qui arrive, c'est que, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que dans les faits, chose qui est un fait qu'on peut pas nier, qui est effectivement vrai, le Québec est la province qui reçoit présentement, en montant nominaux, le plus de péréquation. C'est-à-dire qu'on reçoit 59% de toute la péréquation qui est payée au Canada. Ce qui veut dire qu'on est le plus petit PIB? Non, ce que ça veut dire, en fait, c'est que dans les provinces qui bénéficient de la péréquation, Elles ne sont pas toutes dedans. Okay. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme une moyenne de PIB par habitant, si je me rappelle bien, c'est là-dessus que c'est basé, canadienne. Puis, dans le fond, toutes les provinces qui sont en dessous de la moyenne en reçoivent, puis toutes les provinces qui sont au-dessus n'en reçoivent pas. Ah, c'est pour réégaliser. C'est comme la courbe pour de notes. Ramener de, les... ouais, c'est ça. Okay. Donc, le Québec, on est en termes absolu, mais c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est aussi une des provinces les plus populeuses au Canada. Ouais, c'est ça. On représente à nous seuls 23% du Canada, là, dans les chiffres que j'ai vus. Pas pire. Donc, là, je garoche plein de faits. Là. D'ailleurs, je disais que c'était une chronique avec podcast que je ne m'étais pas préparé. mais bon, il y a quand même des choses de base à. Je te pose des questions pour tes réponses, mais tu n'es pas préparé. Ouais. La vraie affaire, c'est que j'ai lu un article là-dessus juste avant de m'arriver, puis que lui-même avait beaucoup. Écrit par Gabriel Nadeau-Dubois, d'ailleurs, quand je parlais de faire le bacon en 2012. Mais c'est monsieur Bacon sans gras. Ouais, c'est ça. Mais mec. Mais faut quand même dire que Gabriel. On parle un peu, Gabriel Nadeau-Dubois, il écrit dans le journal Ricochet, qui est un excellent journal d'ailleurs. En ligne. En ligne. Puis d'ailleurs, on peut pas dire qu'il est biaisé. Ses chroniques sont extrêmement soutenues par de la recherche et autres. Il se base même pas sur l'Iris, pour dire. Là. Les gens de gauche, d'habitude, ils se basent sur l'Iris. Puis même lui, il s'en même pas tant que ça. Donc c'est ça. C'est une excellente chronique sur le sujet, mais généralement, c'est tout le temps assez pertinent, ces chroniques. Il est très nuancé. Donc, c'était pas pour ça que je vous parlais, c'est ça qui arrive avec les chroniques podcast, que des fois, on dérape un peu. comme si je dérapais pas sur mes autres chroniques. Mais ouais, invente pas les affaires. Là. C'est ça. Donc, c'est un peu mêlé. Donc, on reçoit de la péréquation au Québec. Ouais. Donc, ce qui est sous-entendu un peu par les gens de l'Ouest, c'est que en refusant cependant le fameux pipeline qui servirait à acheminer le pétrole de l'Ouest, dans le fond, nous autres, on fait le bacon puis on essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre, dans le fond. Mais est-ce bien le cas? Ne serait-ce pas plutôt les gens de l'Ouest qui essaient d'avoir le beurre et l'argent du beurre? Voici mon raisonnement. Ouais. C'est que ce qui arrive, c'est que premièrement, la raison pour laquelle on reçoit de la péréquation, en fait, une des choses qui fait qu'on a perdu le statut de province au-dessus de la moyenne, puis qu'on est devenu en bas de la moyenne, bon, ça, on peut pas limiter ça à un seul fait, mais une des choses qui arrive, c'est que depuis 10 ans, la très très grosse majorité des subventions industrielles canadiennes, dans le fond du fédéral, vont à financer le pétrole de l'Ouest. Parce que ce qu'on a souvent tendance à oublier, on se dit « Ah ben oui, le pétrole, c'est payant. » Tu sais, tu vois, tous les pays pétrolifères, je veux dire, l'Arabie Saoudite est un des pays les plus riches dans le monde et vit seulement sur son exploitation du pétrole. Ouais. Ben, presque seulement sur son exploitation du pétrole. Les pays nordiques, les pays scandinaves, se payent leurs services sociaux qui sont, ma foi, les plus développés dans le monde grâce à leur exploitation des ressources pétrolières dans la mer du Nord, entre autres. On se dit, mais là, le pétrole, c'est ça qui permet de financer, c'est ça qui est payant. Tu sais, nos chars marchent avec ça. Le plastique, dont à peu près tout est fait de nos jours, est fait avec du pétrole. Oui, mais tout pétrole n'est pas égal. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Okay. Parce que c'est une chose de faire comme entre autres, dans les pays scandinaves, t'as un trou à faire, le pétrole sort tout seul. Ouais. Alors que le pétrole des sables bitumineux en Alberta, ben, il est imbibé dans du sable. Il coûte extrêmement cher à produire. Dans la plupart des trucs que j'avais lus sur le sujet, puis là, je ne l'ai pas lu pour me préparer à chronique aujourd'hui, c'est des choses que j'ai lues par le passé. De mémoire, le pétrole albertain n'est pas rentable, en fait, coûte de quoi produire. On paye pour produire le pétrole. Dans le fond, on le vend à perte jusqu'à temps que le prix du baril soit quelque chose autour de 80 ou 90 $ le baril. Si je me rappelle bien, dans ce temps-ci, le baril était 40 $ Ah, okay, ouais, c'est wow. ça. Donc, présentement, on paye, on finance l'exploitation pétrolière privée, j'ajouterais, dans l'Ouest. Dans le fond, on paye des compagnies, littéralement, le gouvernement paye des compagnies pour sortir du pétrole du sol et essayer de l'acheminer un peu partout dans le monde. D'ailleurs, c'est reconnu pour être le pétrole qui a les plus grosses retombées écologiques, c'est-à-dire celui qui pollue le plus, mais j'ai même pas le goût d'embarquer dans ce débat-là, parce que là encore... On pourrait se fâcher. C'est ça, là encore, j'imagine beaucoup de gens me disent de mauvaise foi, on se dit ben en verdeur, tout ça, j'ai même pas le goût de m'embarquer là-dedans. Allez juste googler sur de quoi ça a l'air en Alberta autour les lacs de pollution. Ah. Parce que dans le fond, le pétrole, en très très gros, là, le procédé, c'est qu'on sort, on ramasse l'espèce de boue que ça fait, là, de boue de pétrole et de sable, puis on la fait bouillir en fait. Okay. On la fait bouillir dans de l'eau. Puis là, l'eau qui ressort de ça, ben là, il y a un paquet de produits chimiques et de cochonneries qui sont rejetés de ce processus-là. Rejetés dans ça, ben, présentement, c'est juste garoché à côté de où ce qu'on les ressort. Ouais. Ça fait des espèces de lacs de produits chimiques. Ça a l'air d'un film, ça a l'air des affaires post-apocalyptiques. Ouais. On se croirait dans Mad Max. Une vue imprenable. C'est ça, c'est noir. C'est ce que je... Bref, donc on s'entend que ça, c'est probablement pas très écologique. Non. Mais ça, comme je disais, je veux pas en parler plus que ça parce que c'est là tout encore toute une autre question. Puis donc, là encore, j'arrête pas de partir sur des tangentes de ce de quoi je parlais. Mais c'est que ce que ces gens-là ont tendance à oublier, c'est que ils sont eux-mêmes extrêmement financés pour sortir ce pétrole-là. Donc, eux autres aussi bénéficient de la générosité du fédéral. Pareil comme nous autres, on en bénéficie par la péréquation. Ils en bénéficient peut-être un peu moins directement, mais ça reste que, de toute façon, c'est pas eux autres qui nous font un chèque de péréquation. C'est la péréquation vient de ce qu'on appelle le fonds consolidé, c'est-à-dire le gros compte chèque du gouvernement fédéral. C'est dans le pot, dans le fond, tout l'argent que le gouvernement fédéral perçoit. On a la même chose au Québec, toutes les provinces ont ça. Mettons, nos impôts québécois, comme les impôts canadiens, sont tous déposés dans le fonds consolidé, toutes les taxes qui sont payées, tout ça. Puis à partir de ce fonds consolidé-là, ben là, on fait les chèques pour les autres affaires. Mm. Donc, la péréquation est payée par le fédéral à même le fonds consolidé, ce qui fait que de dire que l'Alberta nous fait un chèque... Bon, là, il y avait une démonstration, justement, dans certains articles que j'ai lus, entre autres sur le blog de Jeanne Darwin. Ça, là encore, vous pouvez le googler. C'est une économiste, on s'entend, de gauche, mais qui fait des analyses quand même assez révélatrices, qui, des fois, contrebalancent certaines choses qui sont dites. Entre autres, sur ce sujet-là, elle démystifie très bien la péréquation. Son vrai nom, c'est Jeanne Aymard, mais elle utilise le pseudo Jeanne Darwin sur Internet. Darwin comme l'évolutionniste, ouais. Celui qui a inventé la théorie de l'évolution. Bon, qui explique un peu le processus, comment que ça fonctionne, la péréquation, puis tout ça. Puis entre autres, qui montrait exactement combien est-ce que l'Alberta profitait au Québec. Puis c'était des peanuts comparés à des peanuts. C'était une partie, mais c'est même pas la majorité qui vient de l'Alberta. Un trail mix. Techniquement. Parce que, en fait, c'est ça, comme je disais, c'est que le pétrole albertain n'est pas aussi payant qu'on serait porté à le croire. Puis présentement, c'est ça, on le finance plus que d'autres choses. Là. On finance des compagnies privées pour vendre du pétrole à perte. Là. En gros, c'est ça qui arrive en Alberta. Une autre chose, d'ailleurs, qui a été beaucoup soulevée par rapport à ça, c'est que pour chaque emploi qui a été créé, parce que un des effets, par contre, du pétrole, même s'il est vendu à perte, c'est qu'il a énormément fait augmenter le dollar canadien, parce que veut pas, le monde l'achète quand même, ce pétrole-là, même s'il est vendu à perte. Il se vend quand même au prix du marché, donc il y a quand même du monde qui l'achète, donc il y a des gens qui ont besoin de dollars canadiens pour acheter ça, donc ça a fait augmenter la valeur du dollar canadien depuis les 10 dernières années. Ça, ce que ça a donné, c'est que les grands perdants de ça, c'est le Québec et l'Ontario, parce qu'on avait notre économie dépendait beaucoup du secteur manufacturier. Le secteur manufacturier, pour être payant, il faut qu'il exporte. Si l'exportation coûte plus cher parce que le dollar canadien coûte plus cher, ben c'est pas payant pour nous. Puis le secteur manufacturier, ben on le sait, de nos jours, il y a beaucoup de choses qui sont faites en Chine et au Bangladesh et ainsi de suite, où ils sont beaucoup plus compétitifs, beaucoup moins, on s'entend, ils payent beaucoup moins le travailleur que nous. Ouais, c'est ça aussi. Est-ce que c'est nous qui est dans le tort? Je ne crois pas. Non. Mais bon, ça, là encore, c'est tout un autre débat. Mais n'en demeure pas moins que veut pas, c'est déjà difficile d'être compétitif sur le secteur manufacturier avec ces pays, avec les pays comme ça qui payent, tu sais, qui ont des conditions de vie un peu plus dégueulasses pour leurs travailleurs. Donc, ça l'a un peu scrappé notre économie ici et en Ontario. Donc, est-ce que vraiment on leur doit ça? Moi, c'est la question que je laisse ouverte. Je pense que c'est pas aussi... Parce qu'il y a eu du Québec bashing, là. C'est une expression que j'aime pas tellement, mais qui a été faite sur le sujet. C'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas de nous dire « Ouais, ouais, là, le Québec doit laisser passer, ils nous doivent bien ça, puis tout. » Puis non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas tellement... On n'est pas juste des BS sur le bras. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis on a des activités économiques, nous autres, avec. Puis présentement, ils sont pas très, très aidés par le fédéral, contrairement au pétrole, parce que tout s'en va dans le pétrole. Peut-être est-ce que cela va changer sous le règne libéral? On l'espère, mais on ne sait pas encore. Parents just don't understand, hein? Comme disait c'est pas bon. Le gouvernement, c'est les parents. Oui, ouais. Oui, oui. Donc, c'était une longue chronique avec podcast sur un sujet très lourd. C'est ça. Tu l'as bien filtré. Parce qu'on va finir ça. Ouais, là. Non, finir ça a bien ça, été fait. Ça a bien oui. été livré. Ça bien livré. En pipeline. Ouais, c'est ça. Petite flaque noire à terre. Mais ouais. Ça, c'est juste parce qu'on a de la difficulté à comprendre quand on a... Ouais, c'est ça. On n'ira pas plus loin que ça. Ouais, je la comprends. Non, effectivement, je la comprends petit, pas. On fait ça wack. Te donne un malaise gastrique ouais. quand tu quand OK, tu parles. Je regrette d'avoir demandé des explications. Ouais, non, j'aurais pas... Non, si j'avais arrêtez été avant, seule, ça. J'ai pas ton expérience de ça, Tania. C'est ça. Tu vois, moi, des fois, je réponds pas. Je passe à un autre sujet. Ouais, c'est ça. À ça, je comprends. Ouais, c'est ça. C'est ça, la complicité. C'est ça. Mais bref, merci beaucoup, Sébastien Guertin. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci en d'avoir enduré plus longtemps que d'habitude, d'ailleurs. En fait, je trouve pas, mais peut-être. Peut-être un peu, mais je trouve pas. Je pense que c'était même plus court que d'habitude. Ouais, mais il est arrivé plus de bonheur. Je suis arrivé plus de bonheur. Ouais, c'est ça. Bref. Merci. On te retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique du bulletin Guertin. Oui. C'est pas mal la seule place où on t'entend à Assemblage requis. Oui. Le matin, mais après, il y a d'autres cases horaires comme l'après-midi où on ouais. peut te retrouver aussi. Le jeudi. Le jeudi. Genre le jeudi. À 13h, qu'est-ce qui s'en vient à la sortie de secours est à votre gauche? Ben, plein de choses. Mais on va parler, comme je l'ai dit tantôt, on va parler de notre ami Pierre-Carl Péladeau. Et on reçoit quelqu'un qui va nous parler de féminisme, culture du viol. Ces affaires-là, aha, mais de manière ludique. Je pense même. Que t'as ton nom sur le texte dans Zone Campus sur oui. la culture du viol. Donc, oui. Si tu veux aller lire ça, c'est dans la section opinion ouais, du Zone sur Campus. Le blog. Et sur le blog. Sur le blog et dans le journal qui okay. est sorti hier. Ah, ben, il y a comme une grosse pas. Opération présentement, en plus, là, comme là, qui se passe par la Sûreté du Québec là-dessus. En ce moment oh. même, wow! Ouais, oh. Sur les exploitations sexuelles. Mais on s'entend dans la lettre. D'ailleurs, je conseille à tout le monde que ça choque d'aller la lire. Mais en fait, tout ce qui a été dit dans la lettre, c'est pourquoi je l'ai signé d'ailleurs, c'est qu'il y avait certaines personnes qui ont ressenti un malaise par rapport au fameux mm-hmm. parti qui faisait polémique. On a juste exprimé ce malaise-là. Puis c'est très clair dans la lettre qu'on accuse absolument personne puis qu'on considère que tout le monde était de bonne foi là-dedans. Ah oui, ça a été dit aussi hier lors de la chronique du Zone Campus, on vous l'a mentionné. Absolument. Effectivement. C'est ça, il faut être attentif des fois. Donc, jeudi 13h pour ton émission. Jeudi 13h. La sortie de secours est à votre gauche avec Rico Ivan. Oui. Merci beaucoup. On écoute une petite pièce de Cage the Elephant et après ça, on va revenir avec une petite chronique sur le carnaval étudiant et après ça, Katiev Côté va être avec nous pour la chronique Google Globe en remplacement de Frédéric Bernard. Mais pour l'instant, voici Cage the Elephant et la pièce Mess Around à Sondage Rocky sur Sifu. We'll be right back. Cage the Elephant avec la pièce Tell Me I'm Pretty. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On parle de Annie Call. Annie Call, c'est quoi? Eh bien, c'est un collier connecté censé comprendre les chiens et les chats. Ouais, pourquoi pas, hein? L'espoir, ça tue pas? Et si les objets intelligents permettraient à nos amis à quatre pattes de communiquer avec nous? C'est la société japonaise Annie Call qui y croit et a fait un pas important en ce sens en présentant ce mois-ci à Tokyo son collier connecté permettant de comprendre les humeurs de son chien ou de son chat. Cet appareil fonctionne de pair avec une application smartphone qui est dédiée. Si ses capteurs sont identiques aux trackers d'activités sportives que nous utilisons, Annie Call va plus loin en étant capable de reconnaître jusqu'à 40 postures caractéristiques de l'animal. L'application indique alors s'il est détendu, stressé, joueur ou apeuré. Nous entrons désormais dans l'Internet des animaux étant capable de traduire sous forme de sentiments affichés à l'écran les attitudes des chats ainsi que des chiens. C'est ce qu'a souligné Masayoshi Asai, chercheur chez cette compagnie qui est Annie Call. Surtout, l'appareil est à l'écoute de la santé de l'animal avec l'enregistrement de ses comportements. Oui, avec sérieux, là, je suis vraiment à bout. Tout va bien, puis là, tout d'un coup, la crise de page, elle se met à monter, à lever, à s'en aller de côté. Je suis vraiment à bout, j'ai le goût de pogner l'ordi puis le pitcher par la fenêtre. Sérieux, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je travaille de cette façon-là? Donc, ouais, OK, bon, c'est beau. L'appareil est à l'écoute de la santé de l'animal avec l'enregistrement de ses comportements et on peut ainsi détecter une anomalie potentiellement révélatrice d'une maladie. C'est ce qu'a précisé le chercheur de chez Annie Call. Les capteurs permettent en effet à la fois de surveiller son cœur, d'indiquer sa température et même son taux d'hydratation. Autant de données précieuses à transmettre à son vétérinaire. Les concepteurs du Annie Call ou d'Annie Call avancent même la possibilité d'indiquer si une femelle est enceinte. Ça commence à être assez précis. Si pour l'heure, la commercialisation du collier Annie Call est prévue pour le mois d'avril au Japon, pour environ 70 €, rien n'est encore annoncé pour l'Europe. La société développe une nouvelle génération d'objets connectés qui s'intéresse à d'autres animaux, notamment pour répondre aux besoins de l'élevage moderne. Là, ici, je trouve que c'est vraiment important. Le Call permet ainsi d'être à l'écoute de ses vaches et ambitionne d'aider à mieux gérer l'ensemble du bétail et de tout le troupeau. Ça, je pense, là, ça peut être intéressant, là. Mais tu sais, si tu connais ton chien, tu le sais s'il est excité ou apeuré ou joueur ou relax. C'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais bon, peut-être que vous aimez dépenser pour le grand n'importe quoi. Il y a Daesh qui se sert de Justin Bieber pour diffuser sa propagande. Dans la nuit du jeudi 21 au 22 janvier 2016, eh bien, Daesh a utilisé sur Twitter la superstar internationale de la pop Justin Bieber pour servir sa propagande à destination de la jeunesse. Le groupe terroriste a posté sur le réseau social une vidéo prosélyte. Cette dernière, en plus des habituels hashtags propres à l'organisation, était accompagnée d'un autre mot-clé pour le moins surprenant, Justin Bieber, comme le montre ce tweet d'une journaliste du Monde. Donc, justement, elle disait que Daesh utilisait le hashtag Justin Bieber pour promouvoir une vidéo. Vive les nouvelles recrues, hein? Le but de l'opération est simple, se servir de la notoriété du chanteur pour toucher ses millions de jeunes fans à travers le monde. En effet, il suffisait d'inscrire le nom de l'artiste dans la barre de recherche Twitter pour que les internautes tombent sur une vidéo. La vidéo en question mettant en scène des images violentes de combats armés et d'exécutions. Justin Bieber ne s'est pas exprimé sur ce détournement, mais ses supporters ont fait part de leur mécontentement. Du grand n'importe quoi, hein? Des vrais crosseurs. Un astronaute qui joue au ping-pong avec une bulle d'eau. Hein? C'est-tu pas assez merveilleux, ça? Eh bien oui, l'astronaute américain Scott Kelly a mis en ligne une vidéo jeudi dernier dans laquelle on le voit jouer au ping-pong avec une simple gouttelette d'eau de façon originale pour l'astronaute de célébrer son 300e jour d'affilée à bord de la Station spatiale internationale. Les raquettes sont pour l'occasion recouvertes de téflon hydrophobe qui empêche leur humidification. La bulle d'eau peut ainsi rebondir sur chacune des raquettes avec grâce et facilité. Scott Kelly et son homologue russe, Mikhail Kornienko, passent tous deux une année complète à bord de l'ISS. L'Américain poste régulièrement des vidéos de leur expérimentation sur les réseaux sociaux. Le 16 janvier dernier, il a ainsi tweeté des photos pour la première fleur à avoir éclos dans l'espace. Et puis, tout le monde en a parlé sur la planète. Sinon, ici, il invente un jeu de cartes inspiré de ses ratés. Hein, je pense que c'est ça, sur Tinder. Gary Cohen, un photographe américain de 41 ans, s'est inscrit sur l'application de rencontre en ligne Tinder. Régulièrement et conduit par les personnes qu'il convoite, il s'est inspiré de ses refus pour créer un jeu de cartes composé des profils qui l'ont repoussé. « Je pensais que je n'étais pas assez beau pour Tinder, mais je me suis lancé », se rappelle ce Californien domicilié à Londres. Dans un premier temps, Gary sélectionne avec attention les personnes qui lui plaisent. Mais faute de résultats, il se met rapidement à dire oui à tout le monde, et ce, sans succès. « Au bout de 2 mois, j'avais liké 1000 profils et j'avais eu 0 match. Une véritable spirale de la lose, hein? » qui, dans son malheur, lui inspire une idée. Créer un jeu de cartes tiré de son expérience sur l'application. Gary Cohen passe ainsi plusieurs semaines à photographier et à collectionner les fiches d'identité, composer des photos et des descriptions des utilisateurs hommes et femmes qui l'ont évincé sur Tinder. Le résultat est Reject, rejeté en français, un set de 52 cartes en vente sur Internet. Et puis c'est une réussite, Reject est en rupture de stock, un aboutissement qui confirme un adage bien connu. Heureux au jeu, malheureux en amour. Hein? C'est-tu pas magnifique? Vraiment, wow! Vol de plus de 500 000 $ de sperme de taureau. Hein? C'est-tu? Hein? C'est magnifique, ça aussi. Des réservoirs remplis de semences de taureau valant des dizaines de milliers de dollars ont été volés d'un camion en Californie. Le propriétaire de la ferme victime du voleur, John Azenvedo, a expliqué que les taureaux sur le site possèdent des gènes de grande valeur. Les gènes de ces taureaux sont parmi le top 1% de la population mondiale. Plus de 75% des bovins sont engrossés artificiellement dans le monde et pratiquement tous aux États-Unis. La ferme accueille la semence, environ les semences, hein, ben c'est pas juste la semence, 3 fois par semaine pour exporter à des fermes de partout dans le monde. L'un des taureaux est même classé au 5e rang mondial en termes de génétique. On essaie de gagner notre vie. Le vol de toute cette unité fait par un individu qui n'a probablement aucune idée de ce qu'il a pris. C'est très frustrant, a commenté l'un des employés, Anthony Rise. Mais peut-être qu'il pense qu'il y a du crémage à gâteau, puis il va ouvrir une pâtisserie. On ne sait jamais. Je vous le dis, c'est possible. Une île qui est à vendre en Floride, vraiment un beau petit paradis perdu au milieu de l'océan. Saviez-vous qu'il est possible de devenir propriétaire de cette île privée en Floride, moyennant la coquette somme de 11 millions de dollars US? Donc, prévoyez donc 20 millions là, avant de déménager. Il est possible d'acquérir le East Sister Rock, une île située dans l'archipel des Keys, en Floride. Avec une mise de fonds de 20 % vous pourriez vous tirer avec une hypothèque de plus ou moins de 40 000 $ par mois pendant un petit 30 ans. Ce montant exclut évidemment les taxes et les assurances. Vous avez envie de passer une semaine de rêve sur cette île magnifique? Eh bien, c'est possible. East Sister Rock est disponible à la location pour seulement 1 000 $ la nuit. Néanmoins, il est possible de rêver et d'admirer tout à fait gratuitement cette propriété mise en vente sur le site immobilier américain Zillow. Par contre, moi, je viens de faire le calcul bien, bien rapide, là, OK? L'île, même avec un fonds de 20 %, OK? Si tu donnes 20 % de 11 millions, donc tu donnes à peu près 2 millions, là, on va y aller rapidement, tu donnes 2 millions, 2,5 millions, OK? Et ensuite, il te reste une hypothèque de plus ou moins 40 000 $ par mois, OK, pendant 30 ans. 40 000 par mois pendant 30 ans. 40 000, là, si on divise ça là, par jour, un mois, hein, oui, ça va être 1 500 à peu près, 1 500 par jour. T'es bien mieux d'aller la louer, ça va te coûter 1 000 par nuit. Puis t'as pas à t'en occuper, t'as pas de taxes à payer, t'as pas de rien à payer. Tu dois même te faire servir quasiment à ce prix-là. Donc, moi, je vous le dis, allez sur la East Sister Rock et louez-la, c'est beaucoup moins cher. Et puis, vous pouvez la louer à l'année, hein? Louez-la à l'année, ça va vous coûter moins cher que de l'acheter quand même. Néanmoins, il est possible de rêver d'admirer tout à fait gratuitement cette propriété mise en vente par le site immobilier américain Zillow. Vous irez voir ça, c'est magnifique, tout à fait. Totalement autosuffisante énergétiquement, puisqu'elle est équipée de panneaux solaires, d'une éolienne et d'un générateur électrique. Cette île, dispose de 4 chambres, 3 salles de bain, d'une piscine et surtout d'une immense terrasse longeant la propriété. Le rivage le plus proche est accessible à 400 mètres. C'est parfait, c'est juste pas trop loin. Et il s'agit de la communauté de Marathon, qui est, ou Marathon, située à 2h30 de Miami en voiture. Allez voir ça, comme je vous ai dit, ça vous coûte beaucoup moins cher de la louer. Et puis, vous n'avez pas tous les aléas d'être propriétaire. Hein? Parce que quand vous allez décider de ne plus la louer, vous vous en allez et puis c'est plus votre problème. C'est magnifique. Sur ce, on va aller en musique avec notre ami qui nous a quittés beaucoup trop tôt, M. David Bowie. La pièce que je vous propose, je vous l'avais offert la journée de sa mort, mais elle avait coupé, malheureusement, parce qu'on la jouait à partir de YouTube. Hein? Ben oui, on essayait de faire plaisir à tout le monde. Mais savez-vous quoi? Ben là, on a l'album et puis on se la tape. Black Star, immédiatement, tout de suite, on écoute ça. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod the sacred ground, he cried loud into the crowd. Take you home. I'm a black star. Take your passport and shoes. I'm a pop star. And your sedatives move. I'm a black star. You're the flash in the pan. I'm a movie star. I'm the great I am. I'm a black star. I'm a black star. Way off my money. Black Star de l'artiste David Bowie. Quand même toute une œuvre, hein? Vraiment, ça fait du bien d'avoir des pièces longues comme ça. Si c'était juste de moi, la musique devrait en minimum durer au moins de 5 à 6 minutes, jusqu'à une douzaine de minutes. Ça devrait être le format standard. Mais non, le format standard, c'est 2 minutes 30 à 3 minutes 30 à peu près, ce qui est malheureux. Mais bon, hein, il me semble que quand une pièce est bonne ou quelque chose est bon, tu veux pas que ça se termine tout de suite. Mais bon, 3 minutes, semble-t-il, que c'est assez pour l'attention de la plupart des humains sur notre planète. Un homme qui abandonne tout pour aller skier. Son rêve, c'est de skier au Chili. OK. Il s'appelle Dwayne Haney. C'est un garçon qui rêvait d'aller skier au Chili. Cependant, il ne rêvait pas de prendre l'avion. L'ingénieur mécanique s'est donc acheté un voilier, un moyen de transport comme un autre. Ce fut le point de départ d'une aventure tout à fait incroyable, digne d'Hollywood, qui allait durer 2 ans. Au menu, planification, apprentissage de comment faire fonctionner un voilier, démission de son emploi de qualité, tempête, nage avec les dauphins, pêche miraculeuse et une séquence de 37 jours en mer, seul au milieu du Pacifique. Il avait 75 000 $ en banque avant de tout abandonner. Parti de Bellingham, dans l'État de Washington, Haney, 25 ans, mettra alors 2 ans pour rejoindre le Chili et skier dans la douce poudreuse des Andes. Son véhicule, sa demeure, un Seafarer 1960 baptisé de Rascal. Et là, on voit toute son aventure qui a été publiée sur Instagram. Il y a la vente ne me coûte rien et m'amène où ce que je veux. La vente, c'est le vent qu'on dit. Hein? Le vent ne me coûte rien et m'amène où je veux, a mentionné l'aventurier. Haney a tout de même accueilli quelques visiteurs à bord durant son périple. Ouais, hein? My lovely first mate. Oui, on voit ça. Il a accueilli de charmantes jeunes femmes à la plastique bien intéressante et amoureuse des Américains parce que lui, il a un genre de costume de bain. C'est le drapeau américain. Et les deux filles qui ont embarqué son bateau, eh bien, ils ont des bikinis de style américain. Au fil des semaines, il s'est notamment arrêté en Oregon, en Californie, ainsi qu'au Mexique. À partir du Mexique, il ne s'est nourri presque exclusivement de ce qu'il pêchait à bord de son voilier. Mais tu sais, la pêche est là et puis la ressource est dessous. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il montre certains poissons vraiment particuliers. Le Chinese Trumpet Fish qui a attrapé, ça ressemble vraiment à, je sais pas, c'est un bâton, ce poisson. Il nous montre aussi de superbes crabes, des espadons, etc. Sur Reddit, il a confié avoir choisi le voilier comme moyen de transport car celui-ci le sortait le plus de sa zone de confort et c'est lui qui avait le moins d'impact sur l'environnement. Tout à fait, puis il l'a dit tantôt. Sur un voilier, tu manques pas d'essence, ben non, mais t'as besoin d'avoir un petit moteur à essence, bien sûr, mais c'est pas avec ça que tu fais ta longue distance. Des mésaventures ont évidemment parsemé son parcours, notamment un incendie dans le moteur du bateau et le passage de l'ouragan Odile qui a failli coûter la vie à une amie de Haney qui se trouvait à bord en septembre 2014. Et là, il explique tous les problèmes qu'il y a eu. Il a finalement réalisé son rêve, c'était de skier enfin au Chili. Pour voir ces centaines d'autres photos de Dwyer Haney, eh bien, rendez-vous sur le lien via la page Facebook du Dîner de con. Maintenant, ici, gros dossier pour vous, messieurs, et pour vous, mesdames. Et je vous dis, là, hein, ici, on apprend tout. Voici ce que dit la couleur du vernis à ongles d'une femme. Hein? Donc, autant pour vous, mesdames, vous allez voir ce que votre vernis à ongles veut dire pour vous, révèle de vous. Et vous, messieurs, ben peut-être d'étudier le vernis à ongles des dames va vous renseigner sur elles. Donc, un vernis à ongles n'est pas seulement un accessoire de mode, il peut en révéler bien plus que vous ne le croyez. On vous envoie ici ce test très scientifique qui vous permettra de savoir ce que la couleur que vous portez ou celle de la dame que vous regardez signifie sur elle. Alors, on y va. Il y a 6 réponses. Il y a le vernis à ongles beige, le vernis à ongles qui brille, le vernis à ongles blanc, le vernis à ongles noir, celui qui est rouge et la manucure française. Donc, on commence avec le vernis à ongles beige. Je vais faire ça au même genre qu'une horoscope, là. Donc, si vous avez du vernis à ongles beige, vous ne manquez jamais un épisode de Keep It In With The Kardashian. Vous passez vos week-ends à écouter du hip-hop, à apprendre la chorégraphie du film Honey avec Jessica Alba. Et quand vous ne suivez pas la vie des célébrités, vous sirotez des smoothies et vous faites du yoga dans un centre de sport très à la mode. OK. Maintenant, si vous avez du vernis à ongles qui brille, pour vous, the sky is the limit. Et puis là, je dis, hein, je parle justement aux hommes aussi, si vous voyez une dame avec un vernis à ongles qui brille, eh bien, pour elle, the sky is the limit. Elle est ambitieuse, dynamique, elle n'a jamais deux minutes à elle. Son vernis à ongles est probablement un peu écaillé puisque vous n'avez pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps de le refaire, cette manicure, entre ses nombreux projets et ses nombreux rendez-vous. OK, vous avez compris, là, c'est de même. Le vernis à ongles blanc, mesdames, vous passez du temps en votre compagnie. Le vernis à ongles blanc, passer du temps en votre compagnie est aussi intéressant que de surfer sur le net. Oh, vous passez votre temps à prendre des selfies et à tweeter les conversations que vous partagez avec vos proches. Vos ongles blancs sont partout sur vos comptes Instagram. Vous passez même une partie de votre journée à dérouler votre page Pinterest à la recherche de la nouvelle tendance du moment. Eh ben oui. Sinon, la manicure à la française, peut-être que vous travaillez dans la section cosmétique d'une pharmacie, peut-être que non. Peu importe, vous êtes une personne généreuse et souriante, toujours prête à rendre service et à tout le monde et à votre prochain. Vous aimez la propreté, vous rêvez d'avoir un immense jardin où passer vos après-midi à lire Orgueil et Préjugés. OK. Ça en révèle beaucoup, le vernis à ongles. Hein? Le vernis à ongles noir, et c'est très scientifique, n'oubliez pas. Vous aimez les animaux, patiner sur les lacs gelés, manger du pâté chinois et chialer sur vos collègues. Vous n'aimez pas faire du camping, les moustiques et vous n'aimez pas faire du camping ni les moustiques et parler avec vos collègues. Pour vous, les vacances idéales sont celles où vous êtes isolé des gens. Vous rêvez d'avoir un chalet sur le bord d'un lac et de flatter votre chien pistache pour l'instant de vos jours. Ben, moi, je suis pas un homme, je suis pas une femme, et je mets pas de vernis, mais je pense que ce serait le vernis à ongles noir, d'après la description, par contre. Hein? Ben oui. Et sinon, le vernis à ongles rouge, ah, pour vous, c'est la coquine, la passion, vous avez le cœur au ventre. Quand vous n'êtes pas en train de surfer sur Tinder ou en train d'embrasser votre tendre moitié, vous êtes en train de déguster un bon verre de vin sur le bord d'un foyer. Effectivement, celui-ci aussi, peut-être le rouge ou le noir. Vous êtes romantique et élégant. Pour vous, l'amour est l'unique raison d'être. Vous chérissez votre famille et vos amis comme la prunelle de vos yeux. Alors, c'était le test très scientifique du vernis à ongles. Savez-vous que près du tiers des dermatologistes... qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est un article qui n'est pas sorti, pas du tout. Donc, Nick Carter, ben oui, on ne parlera pas de choses sérieuses, on parle de n'importe quoi ici. Nick Carter qui est poursuivi en justice. Il y a plus d'une ancienne adolescente qui doit pleurer en ce moment. Des anciennes adolescentes, c'est des dames qui ont vieilli. Hein? Plus reconnu pour briser des cœurs que des nez, Nick Carter est tout de même aujourd'hui accusé de voie de fait. Skylar Carden, un employé du Hog Breath Saloon, une boîte de nuit en Floride, accuse le célèbre membre des Backstreet Boys de l'avoir frappé et étranglé le soir du 13 janvier. Selon ce que rapporte le site de potin TMZ, eh bien, le chanteur de 35 ans aurait d'abord été escorté à l'extérieur de l'établissement en raison de son comportement irrespectueux à l'endroit de M. Carden, qui est le bouncer. Le blond chanteur s'en serait ensuite pris violemment l'employé. Mark D. Cowden, l'avocat de M. Carden, décrit le tombeur de ces dames comme un voyou. M. D. Cowden soutient que le blondinet a infligé des blessures physiques et mentales à son client qui ne faisait pourtant que son travail. Et que c'est de la nouvelle très, très, très, très, très, très, très, très, très, très importante. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis. De 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.